au micro. Voilà, je vais y arriver. Je suis un petit peu ému aujourd'hui. Ça, c'est vrai que je parle de choses qui m'ont beaucoup marqué. Donc, je vais repasser quand même le micro à l'opérateur Nicolas, 14 PAT 512. Mais là, je pense qu'il va prendre son QRZ local. Parce que 14 PAT, c'est un indicatif pour la longue distance. On va vous expliquer ça en détail. Et là, le QRZ local, c'était plutôt, il me semble que c'était fréquence 45, le nom de quelque chose que tu avais monté toi-même. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors écoute Didier, voilà, pas tout à fait fréquence 45 au départ. Au départ, les années 82, 84, c'était plutôt sous l'indicatif local Pitchoun 45. Je ne sais pas si ça te rappelle. Oula, oui, c'est ça date. C'est quand j'ai repris 45, la module Orléans. C'est, ouais. Comme moi, je suis électrotechnicien de métier, passionné de radioélectricité, donc j'avais décidé de monter un atelier radio et bien entendu un petit magasin radio dans le secteur pour pouvoir aider tous les collègues à s'installer et aussi bien des associations où tu vas pouvoir en parler directement. Je pense que ça va faire partie du sujet du jour, tout à fait. Puis à côté, je vois qu'il y a l'OM, l'opérateur Stéphane, qui lui, d'après ce que j'ai compris, n'est pas du tout cibiste. Il a pas connu la cibiste. Tu vois, allez à quelques années près, tu as quelle année ? Tu as quel âge ? Tu as quelle année ? Un demi-siècle. Oh bah t'aurais dû connaître quand même, parce que la cibiste, c'est pas si vieux que ça. J'ai connu par le biais des films de série, style Starsky Hutch, tout ça à l'époque. D'accord, oui. Le convoi et tous les films qui allaient autour. C'est vrai que toi t'as pas modulé comme on dit dans le jargon. Pourtant il me semble que t'as un passé militaire qui fait que tu as connu un petit peu certains codes. Donc on parlera tout à l'heure. Ça marche. Hein? C'était quoi les codes? Tu pourrais en dire quelques mots là juste. T'avais Alpha Bravo Charlie Tango. Voilà. Après, il y en a d'autres. Il y a tout l'alphabet comme ça. Il y en a 26. Je crois que c'est ça l'alphabet, c'est 26. On expliquera tout à l'heure. Donc oui, effectivement, Nicolas, c'est un vieux de la vieille. Il a commencé en. Alors t'as commencé en 84 ou t'avais commencé un petit peu avant? Ouais, je pense que c'est les années 82, 84. C'est difficile de revenir si loin en arrière, mais je me rappelle de ce petit 22 canaux Pontus FM avec une petite antenne magnétique au bord de la fenêtre là pour discuter avec les copains en local. C'était assez rigolo quand même. Voilà, en local, donc c'est à peu près combien de kilomètres? En local, une antenne. C'est de l'extra-local, hein. C'est de l'extra-local. 6 kilomètres. T'as eu ça sur quoi? Sur une plaque de four, non? Exactement. Voilà, c'était l'astuce. On calait une plaque de four sur le rebord de la fenêtre, si on était un petit peu perché. Et puis, on modulait avec l'antenne un petit peu extérieure, parce qu'il faut toujours un plan de masse pour ce genre de transmission. Moi, tu vois, j'ai commencé la Citizen Band en 78 lors d'une fête foraine avec un copain qui avait un push-pull mobile, donc une voiture push-pull, et il modulait et il avait, je me rappellerai toujours, il avait un PA à l'intérieur, un public address, où en basculant sur le public, c'était ma première module à moi, ça a été un 22 Philips FM. Voilà, donc 22 canaux Philips, de la marque Philips, et en FM. Donc pareil, avec toi, avec tous les crachouillis, l'AM n'était pour ainsi dire pas existante dans ces postes-là. Très peu en France. Très peu en France. La première bêtise que j'ai pu faire à la CB, c'est qu'on s'amusait à siffler les nanas, parce que bon, son public adresse, son petit haut-parleur était caché dans le capot de la voiture, donc quand il parlait, on entendait, mais on savait pas d'où ça venait. Et moi, je me rappellerai toujours, toute ma vie, que mes premier mot ma première bêtise en fréquence, ça a été d'appeler une nana, elle se retournait, elle savait pas d'où ça venait. Je te reprends YL, XYL, ça fait plus sympa que nana, ouais, quoi. Ouais, la nana, mais là, voilà, j'avais pas encore les termes. Donc, voilà, c'est mes premières, puis ça m'a piqué un petit peu, puis quelques années après, c'est là où j'ai acheté mon premier 22 canaux. C'était pas donné à l'époque, ces postes-là. Hein. Voilà, on a fait les balbutiements. Moi, j'étais en Ariège, dans les Pyrénées, avec la montagne, ça passait plus ou moins bien, d'une vallée à l'autre, tout ça. Bon, on n'arrivait pas. Donc, mais bon, je me suis accroché pendant jusqu'à l'armée, jusqu'en 81. Là, je suis parti moi aussi dans les transmissions au 57e RT qui n'existe plus à Apsheim. Et puis bon, j'ai décroché un petit peu et la module m'a repiqué dans les années 84-85. J'étais revenu sur Orléans. Et là, la M était commençait un petit peu à arriver, mais j'étais toujours en 22 canaux. Et puis j'ai donc après fait le cap de passer sur un double mode, donc FM fréquence modulée ou modulation de fréquence et AM amplitude de modulation avec là 40 canaux. Sur le 22, on avait 22 canaux. Et quand on est passé en AM, on avait 40 canaux. Ça a été juste après l'homologation par Mitterrand de toutes les radios, ce que j'expliquais dans le premier volet, qui était en fait l'autorisation des stations radio locales en radiodiffusion, toutes les radios libres, et en même temps l'autorisation des fréquences pour les cibistes, entre autres, et puis les ARA qui, eux, étaient licenciés et qui étaient homologués pour pouvoir discuter sur d'autres bandes de fréquences avec d'autres... Enfin, toujours le même jargon, mais d'autres phases bien strictes à l'époque. Ça allait un petit peu moins maintenant, sur les licences. Tu peux m'en parler un petit peu ? Tu veux que je te parle des amateurs radio et des radio amateurs. Voilà, tout à fait, c'est là. C'est une grande histoire, puisque tu sais, dans les années 80, 90, bon, il y avait les amateurs radio, donc cibistes par défaut. Il y avait aussi, il faut pas les oublier, mais on va en parler quand même, les France Liberté. Hein, c'est quoi les France Liberté? Les France Liberté, c'était des opérateurs un petit peu pirates. Qui trafiquait sur certaines fréquences non homologuées. Donc tu faisais partie, il me semble. Voilà, quoi. Mais bon. Bip. Voilà, ça c'est une porteuse encore. Hein. Voilà. Après, donc c'est vrai que les cibistes aujourd'hui, on n'a pas besoin de passer une licence, d'avoir un diplôme ou quoi que ce soit. Tandis que le radio amateur, les restrictions quand même, c'est d'avoir des connaissances en radioélectricité, etc. Donc il y a la législation, donc il y a un diplôme à passer. Donc c'est vrai que la communication ensemble, elle est pas comme la nôtre, quoi. Voilà. Donc Didier, je crois que tu peux taper le QSO, hein, t'inquiète. Hein. Tu m'entends plus. Non. Ah. T'as touché. Je t'entends, mais un pétage, coq. Ouais. Eh ben écoute, bon, c'est bon, j'ai remis du volume. Ouais. T'as remis du volume ? Oui. Ouais, j'ai quelques soucis là sur la technique. J'ai eu une toute petite coupure et c'est le ding ding qu'on a entendu. Donc là, tu m'entends ? Tu m'entends plus ? Non, j'entends très bien. Tu m'entends plus ? Eh bien, c'est pas la joie aujourd'hui. C'est vraiment pas la joie. C'est la 13e, c'est pour ça. Tu m'as toujours là ? Moi, je t'entends très bien. Ouais, moi aussi, je t'entends. Peut-être ton casque. Nickel. Non, c'est bon. Tu m'entends ? C'est bon. Bah écoute, voilà, bah je te laisse le micro. Moi, je vais regarder mon petit problème technique et puis je suis. D'accord, t'es sympa. Donc c'est tout en live. Donc comme je disais, les radio amateurs, bah oui, il faut passer une licence pour avoir accès à certaines fréquences attitrées par la NFR. Voilà. C'est cher la licence ? Alors aujourd'hui, la licence, tu as, je pourrais même pas dire, dis donc. Je sais même pas, c'est un timbre fiscal, hein. Je pense que ça va être 70 balles, 90 balles, allez, je dis ça au hasard. L'avantage aujourd'hui, c'est que tu n'as plus d'adhésion quand tu es radio amateur, parce qu'habituellement, tu dois payer une adhésion annuelle, et aujourd'hui, elle l'est plus, quoi. Voilà. Donc je sais pas si c'est vraiment bien suivi encore la quantitative de radio amateur qu'il y a aujourd'hui. Je sais pas trop, quoi. C'est vrai que moi je vais le cacher, je suis un petit peu pirate dans l'air, moi, tu sais, pas grave, ça. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas inintéressant de discuter de météo, de radioélectricité, mais c'est un petit peu la constance du radio amateur. Tandis que le cibiste, bah, il peut se permettre de discuter de tout et de rien. Et c'est pour ça, quand tu fais de la longue distance, bah, tu peux discuter de météo, tu peux discuter de conditions de trafic, donc de matériel, tu peux discuter de bouffe. Tu es tout con. Et tu peux discuter de bouffe, des conditions, comment vivent les gens. La vie sociale, quoi, de ton... La vie sociale, voilà, exactement. Tout à fait, voilà. Tandis que dans le côté radio amateur, c'est quand même plus cadré, c'est plus strict. C'est assez cadré. Et c'est toujours aussi cadré aujourd'hui, malgré les écoutes qu'on peut avoir, où il y a des petits conflits partout, ça on le sait bien. Mais le monde de la CB, c'est ça, quoi. C'est que c'est ouvert à tout. Et puis, bah, tu peux te faire des super copains, et puis tu peux partir... Si tout va bien, tu peux partir à l'étranger, tu as juste ton billet d'avion et tu vas retrouver ton OEM, l'opérateur que tu as contacté relativement loin, quoi. C'est sympa, quoi. Voilà, bah tu vois, aujourd'hui, c'est la 13e émission. Alors, je sais pas si le chiffre 13 est un porte-bonheur ou un pas porte-bonheur, pas porte-bonheur. Mais voilà, c'est des inconvénients et ça fait partie du direct. Donc, je vais tenter de lancer un petit morceau musical et si toutefois ça passait pas, eh ben, on fera 100. Voilà. Allez, on va partir du côté de, bah, du convoi. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, ce titre. Tout à fait. Yeah, Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Ben, come on. Yeah, 10-4, Big Ben, for sure. By golly, it's clean, clear to Flagtown, come on. Yeah, that's a big 10-4 there, Big Ben. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we've got us a convoy. It was a dark lagoon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We is heading for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Big Ben, this here's a rubber duck and I'm about to put the hammer down. By the time we got into Tulsa town, we had 85 trucks in all. But they's a roadblock up on the clover leaf, and them bears is wall to wall. Yeah, them smokies as thick as bugs on a bumper. They even had a bear in the air. I says, calling all trucks, says, here's the dub. We about to go a-hunting bear. Yeah, them hogs is starting to close up my sinuses. Mercy's sake, you better back off another 10. Well, we rolled up Interstate 44 like a rocket sled on rails. We tore up all of our swindle sheets and left them setting on the scales. By the time we hit that shy town, them bears was getting smart. They brought up some reinforcements from the Illinois National Guard. There's armored cars, tanks, jeeps, and rigs of every size. Yeah, them chicken coops was full of bears, and choppers filled the skies. Well, we shot the line, we went for broke, with 1,000 screaming trucks, and 11 long-haired friends of Jesus in a chartreuse microbus. Sodbuster, come on there, yeah, 10-4, Sodbuster, listen, you want to put that microbus in behind that suicide jockey? Yeah, he's hauling dynamite, and he needs all the help he can get. Well, we laid a strip for the Jersey Shore and prepared to cross the line. I could see the bridge was lined with bears, but it didn't have a doggone dime. I says, Big Ben, this here's a rubber duck. We just ain't gonna pay no toll. So we crashed the gate doing 98. I says, let them truckers roll 10-4. Voilà, c'était le titre Le Convoi, Convoi qui est un qui est un film en fait aux États-Unis de routiers qui roulent en convoi et qui matent un petit peu. Enfin, il y a toute une histoire derrière. Je vais pas raconter le film. Il faudra aller le voir. Bon, il y a quelques années qu'il est sorti. Hein. Voilà. Donc c'était le convoi. C'était un petit clin d'œil au Duck. Au Duck. Et voilà, c'est le côté un petit peu nostalgie. Et juste après le Duck, et ben on va passer sur une autre fréquence. On va passer sur le canal 19 QSY. La combine pour pas crever d'ennui, pour éviter le fossé et les pièges des flics. Branche ta cible, je t'appelle sur le canal 19. Salut tous les amis. Salut les coquins neufs sur le canal 19. Répondez les amis. C'est pas le Nevada, c'est pas la Californie, ouais. Pas plus le Tennessee, c'est partout dans ce pays. Sur l'autoroute A6, sur la nationale 10, des milliers de camions qui tournent jour et nuit. Branche ta cible, je t'appelle sur le canal 19. Salut tous les amis. Appel général en fréquence, sur les stations de Turbo 34. Est-ce qu'un 1029 de code pour faire un petit 4-8 en compagnie d'une hydrogène là à vous? Les mecs ont les lunettes noires, des maillots de débardeur et le coude à la portière, les yeux sur le compteur, pousser jusqu'à 10 kilos, trouver le bon rapport, être à l'heure, déchargé, le pognon se fait rare. Branche ta cible, je t'appelle sur le canal 19, salut tous les amis. Salut les coquins neufs sur le canal 19, répondez les amis. Les riens, pour pas perdre les pédales, se racontent leur vie, ne remontent pas à vie. Il y a du fret à Marseille, mon patron est un con. Je me fais 4000 francs par mois, je rentre jamais chez moi. Branche ta cible, je t'appelle sur le canal 19. Salut tous les amis. Salut les coquins neufs sur le canal 19. Répondez les amis. Il semblerait que le monopole se met à faire la gueule et à être jaloux. Pareil qu'on a violé les secrets de la défense, on est des subversifs. Dès que les gens communiquent, il y a le pouvoir qui flippe. Branche ta cible, je t'appelle sur le canal 19. Salut tous les amis. Salut les coquins neufs sur le canal 19. Répondez les amis. Qui appelle la Plus 30, qui appelle la Plus 30, j'ai laissé le valide d'émission là, j'espère que vous avez plus de vraiment là sur mon émission les gars. Après le convoi, un petit clin d'œil au routier Mind in USA. Et là, c'était un petit clin d'œil à nos amis routiers qui transportent le fret, nos aliments et tout, sur les routes de France et de Navarre. C'était un petit coucou pour eux. Et je viens de recevoir un message de mon ami Jean-Guy, qu'on n'a pas réussi à joindre, qui me dit que depuis 2021, pardon, l'inscription à l'examen pour devenir radioamateur est gratuite. La délivrance du certificat d'opérateur des services amateurs, entre autres la licence après réussite, est également gratuite. Il n'y a plus de taxes à payer à l'ANFR pour passer l'examen ou obtenir le certificat licence. Merci à toi, 73. Encore toutes mes excuses de pas pouvoir croiser nos aériens. Voilà, on parle un petit peu dans le jargon CIBI aujourd'hui, puisque c'est le thème de l'émission. Donc on va retourner le micro. Je vais te faire un retour pastille, ou glace sucette ou vanille, à moins que ça soit chocolat. À mon ami Nicolas Pichoun. Ouais, merci Didier. Bah déjà merci, bonjour Jean-Guy, je t'ai pas dit bonjour tout à l'heure. Et merci du retour là pour les informations ERA. Toi, j'étais pas du tout à jour. Je savais qu'il y avait pas de cotisation à payer, mais je ne savais pas qu'il y avait pas de table fiscale, tu vois. Donc très bien. Donc il y a juste à travailler la technique, la théorie et c'est parti. Et puis après pratiquer bien sûr. Après trafiquer, voilà. Trafiquer, pratiquer, trafiquer. Attention, c'est pas n'importe quel trafic, hein. C'est pas du. Là, on deal de la fréquence, là. Hein. Attention à ce qu'on dit. Ouais. Attention à ce qu'on dit. Voilà. Donc, j'en profite en même temps pour faire un petit coucou à tous les cibistes et les cibistes OM et YL qui nous écoutent. Donc, OM, c'est old men, les vieux garçons, les hommes tout simplement, et les YL, young lady, et pour les époules des cibistes, et les XYL. Voilà, X a rien à voir avec le film. Non, non, c'est simplement la définition de l'XYL. Voilà, ou des fois ça peut être aussi l'XYL. Mais bon, c'est un autre film. Pardon. Il y a Triple X. Oui, ouais, mais ça c'est autre chose. Hein. C'est pas dans le même niveau. Donc voilà, on en était un petit peu pour parler donc d'RA, que je radio amateur, je salue. Alors il y a une petite différence. Hein. Radio amateur RA, c'est vous envoyez un petit peu partout en France des stations où il y a plein de grosses antennes, un petit peu biscornues, un petit peu bizarroïdes et tout ça. Ça c'est en général c'est du RA. Ils ont plusieurs postes, ils vont sur des fréquences que nous normalement on n'a pas le droit d'aller. Et puis il y a aussi après il y a le cibiste où là c'est juste en fixe, en mobile on en voit pour ainsi dire plus, hein. Peut-être sur les 4x4, sur certains 4x4, les agriculteurs, des gens qui font encore de l'assistance radio, ça sera le thème de la prochaine émission un petit peu avec le PMR. Mais sinon voilà, on voit encore quelques fixes qui existent et qui subsistent. Toi je sais que tu en as un. Je sais qu'il y en a un qui est pas mal équipé d'ailleurs, parce que j'ai eu l'occasion de venir chez toi moduler un petit peu. Et puis il y a deux façons. Donc il y a le RA, bon, on l'a vu, c'est le radio amateur. Et puis l'amateur radio, on va dire, c'est pas le cran en dessous. C'est un cran un petit peu différent. On n'a pas les mêmes techniques, on n'a pas le même parler. On est beaucoup plus libre. Voilà, on est un amateur de radio. Mais on a la même particularité, c'est la passion. Voilà, tout à fait. Voilà. Après voilà, c'est, alors je sais que les RA font beaucoup, et d'ailleurs ils se mélangent maintenant un petit peu plus avec les cibistes, parce que le monde des RA devient de plus en plus restreint. Alors c'est tout l'un ou tout l'autre, parce qu'il y avait tout un tas de licences au début qui étaient très très longues à passer, très lourdes. Il y avait la F1, il y avait la F2, il y avait jusqu'à la F4. Je veux pas trop dire de bêtises, pour ça je m'aventure pas trop dans le côté RA. Et maintenant bon, ils sont tous, dès qu'on passe cette fameuse licence gratuite, c'est F4 directement. Exactement. Et il y a besoin de beaucoup moins de connaissances techniques. Avant je sais que c'était au. C'est pas qu'il y a beaucoup moins de connaissances techniques. Déjà il y a plus le Morse. Voilà, ouais, le CW. Vous savez, on en a parlé de Samuel Morse, le bip bip bip bip bip bip bip bip bip, les premières transmissions radio qui ont été faites. C'est da di da di da da di da. Ouais. C'est vieux comme ça. C'est mieux. Et donc, oui, mon ami en face là pratique un petit peu, donc moi je l'ai pratiqué, mais il y a très longtemps, et j'avais la pioche, je me l'étais même faite ma première pioche. Voilà, c'est un signal coupé, un signal rentrant sur le côté de la petite pioche, tout simplement. Donc voilà, et les radios amateurs sont eux équipés de fréquences. Alors ils sont aussi sujets à la propagation. Puis maintenant ils font beaucoup de choses à côté. Ils font de la TV, ils font de la SSTV. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Ils peuvent moduler un petit peu avec l'ISS. On peut nous-mêmes écouter l'ISS sur certaines fréquences qui sont plus ou moins tolérées, on va dire, sur certains postes. Le droit à l'écoute. Le droit à l'écoute, oui. Alors le droit à l'écoute, c'est le droit à l'écoute. Tout le monde a le droit à l'écouter. Par contre, c'est le fait de prendre le micro et de parler. Là, il faut éviter. Il faut éviter, mais on peut avoir un poste RH chez soi, équipé, et écouter toutes les fréquences, surtout les ondes disponibles. Des fois, il y a des trucs sympas, d'autres, des fois, un petit peu moins. Après, il faut comprendre, parce qu'ils parlent extrêmement technique, beaucoup de bidouilles, enfin, c'est... Voilà, mais on va en faire venir un jour à la station. Je lui passerai le micro sans problème. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur l'amplitude de modulation, parce que c'est vrai que la FM, on modulait un petit peu, mais un petit peu moins que l'AM, parce que l'AM passait quand même beaucoup plus fort. Après, il y a des réglementations de puissance, donc on va pas rentrer dans le détail, parce que ça serait trop lourd, on pourrait en écrire un livre. Voilà, on va quand même en parler un petit peu. Donc, pour faire de la CB, monsieur et madame tout le monde, en France comme partout, il suffisait d'avoir un poste, 22 canaux ou 40 canaux AM-FM, et après d'avoir un bon plan de masse pour mettre son antenne, et une bonne alimentation. Il suffit simplement d'avoir un accu de voiture, bien antiparasité, tout ça, et puis après pas trop mettre de puissance, parce que sinon la tante Victorine passé sur le numérique, c'est fini tout ça, mais dans le temps, dès qu'un cibiste parlait, il avait tendance un petit peu à il mettait des puissances un petit peu non homologuées, et ça bavait un petit peu sur les fréquences hertziennes, et ça arrivait à perturber les télés, tout en sachant que j'ai eu droit à un contrôle, et en fait le contrôle ne m'a pas mis amende ou quoi que ce soit, c'était simplement que le réseau de télé où j'étais n'était pas blindé, parce qu'à l'époque les câbles n'avaient pas de blindage, et les ondes en quelque sorte s'infiltraient, passaient par les fréquences, et ce qui faisait toutes les bruits qu'il y avait. Bon, maintenant on est sur les réseaux numériques, donc il n'y a plus cette problématique. Voilà. Donc on va aller plus particulièrement donc le côté AM. Donc c'était quoi en fait la CB à l'époque? C'était le premier réseau social. On peut dire ça comme ça. On est bien d'accord. C'était le premier réseau social. Voilà. On n'avait pas Internet. C'était notre seul moyen de communiquer. Puis à part se voir. Oui, de visu. De visu. Visuellement, oui. Mais de communiquer avec une autre personne grâce à un émetteur, voire avec d'autres personnes. Émetteur, récepteur. Plusieurs personnes. C'était génial, quoi. Il y a énormément d'associations qui se sont créées, et c'était notre premier réseau social, en effet. D'accord. Ouais, les associations, je sais que Jean-Guy qui est derrière avait à cœur de parler de son association. Je vais en dire deux mots, mais je ferai en sorte de l'avoir dans la prochaine émission là, et on fera en sorte de prier que la propagation passe jusqu'au 85. La dame Propag, elle est pas avec nous aujourd'hui. La propagation, c'est ce qui permet le passage des ondes, mais ça, on en discute. On n'avait pas besoin de ça en AM. En logique, en local, on s'en servait plus. On s'en sert plus dans le côté bande latérale unique, la BLU, dont on parlera tout à l'heure. Ça, c'est un petit peu le point fort de Nico. Donc toute l'émission, elle était préparée, puis en fait, tout est tombé un petit peu à l'eau, parce que voilà, il y a des soucis de fréquence, et ça arrive. Ça fait partie du live. Ça fait partie du live. Voilà. Donc voilà, on connaît assez bien le sujet, on peut en parler pendant des heures. On peut même en écrire des livres, comme je le disais tout à l'heure, puisque c'est mon cas, et c'est le cas aussi de Jean-Guy qui a coécrit un livre avec moi, avec comment ça s'appelle, Ludivine Marie, qui doit être à l'écoute. Elle est dans le 4, dans le 13, dans le département 13, du côté de Marseille. On t'envoie les 88 l'YS, si tu nous écoutes, un petit coucou sur Didier & Co, me ferait grand plaisir. Voilà, puis elle est aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure des clubs d'assistance et tout ça, elle est aussi administratrice d'un gros groupe de cibistes sur Facebook, voilà, qui se sont rejoints et qui parlent un petit peu de tout ce que Cibi. C'est son groupe s'appelle Cibi Passion. Il y a aussi Dundee 33 qui est avec les civiste francophone qui est du côté de Bordeaux. Bon, c'est encore un autre sujet. Voilà. Bon, on les salue tous parce qu'on est tous éloignés. Bon, on se côtoie tous, on s'est tous côtoyés plus ou moins. Moi, j'ai eu l'occasion. Ludivine, je l'ai pas rencontré, mais je l'ai eu très souvent au téléphone et on a coécrit le livre. Je l'ai eu aussi par le biais de l'image parce qu'on a fait des vidéos conférences. J'ai rencontré Dundee 33, Rémi, dont je renvoie les bons chiffres. Et puis plein d'autres. Voilà, on a été quand même, à une certaine époque, il y avait plus d'un million de cibistes en France. Donc c'était la grande mode. Je te donnerai des chiffres tout à l'heure. Oui, d'accord. D'aujourd'hui ou les chiffres d'hier? Des chiffres d'aujourd'hui. Ah là, oui, d'accord. Ouais. Bon, mais je n'aurais pas sur l'international, mais sur le national. Donc la Cibi, c'était le premier réseau social, puisque voilà, on communiquait, on avait la communication avec des gens qu'on ne connaissait pas. Alors, quand on était en AM, donc en local, on avait tous ce qu'on appelle un QRZ. On parlera pas du code Q, qui était un ancien code de l'armée, qui a été réattribué et affilié donc à la radio et aux radios amateurs et à la CB. On parlera un petit peu du code OACI aussi, qui est le code de l'aviation, que tout le monde entend parler. Tu en parlais tout à l'heure, Stéphane, à l'antenne, Alpha, Bravo, Tango, Charlie, Delta et bien d'autres. Et donc voilà, on s'attribuait, on s'appelait pas par nos prénoms, on avait tous un indicatif. Alors bah pour toi c'était Pitchoun 45, après t'es devenu Fréquence 45. Exactement. Voilà, et moi ça a été, c'est toujours KKU 45 ou KKU 33 suivant le département. Donc le pseudo au départ c'est son pseudo, et après on donne le département d'où on est un petit peu comme une immatriculation, la filiation. Quand j'étais dans le 09, bah, j'étais KKU 45 ou KKU 09 suivant si j'étais en AM ou voilà, on donne le QTH. Donc le QTH c'est le lieu, comme le disait tout à l'heure l'opérateur sur les bandes d'enregistrement que j'ai gardé en mémoire. On a entendu juste après le Libellule et Peter 95, fameux disque de Libellule qui est jamais sorti mais qui a été distribué sur cassette à l'époque. Donc Peter est ami notamment avec Jean-Guy, il converse de temps en temps, et je pense qu'il doit être derrière un petit peu, peut-être à l'écoute. Peter 73 à toi et à Libellule et à toute la bande du côté du centre de Paris. Voilà, donc Le fait de faire de la cibiste, c'est un des premiers grands liens sociaux. Au départ, aux États-Unis, avec l'arrivée des postes et télécommunications par la fédération des USA, donc Federal Communication. Et puis après, ça s'est répandu un petit peu. Les routiers aux États-Unis l'ont adopté des postes dans les camions, et ça s'est fait surtout dans les années 70-73. C'est surtout à la suite du premier choc pétrolier, parce que en fait les routiers étaient payés ils étaient payés au kilomètre. À l'époque, et au fret qu'ils faisaient, au kilomètre qu'ils parcouraient par jour. Et comme à cette époque-là, il y avait des restrictions d'essence, ils carburaient un petit peu beaucoup au niveau de la vitesse. Et les premiers, Papa 22, les premières autorités aux États-Unis se sont équipées de Cibi et les écoutaient et essayaient un petit peu de les arrêter, de pouvoir. Alors, ils s'envoyaient, les routiers d'un côté, le doc, le film, le convoi et tout ça est un petit peu en rapport à ça. Ils s'envoyaient des messages et puis se donnaient des renseignements où se retrouver, où manger, quelle frette il y a à prendre, tout ça. Ça a fait tout ça pendant plusieurs années aux États-Unis, puis ça arrivait dans les manteaux de gens qui étaient en voyage aux États-Unis. C'est arrivé dans les premiers manteaux en France, enfin sous le manteau, puis c'est là que les premiers postes Cibi sont arrivés. J'en profite pour dire un petit bonjour à Jean-Marc qui est F1. Et qui m'a contacté il y a pas longtemps. Je l'avais rencontré à Amexpo, donc une exposition de radio amateur et de Cibi au Mans d'ailleurs. et on avait pas mal discuté. Et c'était un des tout premiers pirates à l'époque. Il est pas tout jeune, garçon, monsieur. Mais voilà, c'était un tout des premiers radio amateurs. À l'époque, il y avait pas de, enfin, il y avait le RA, mais c'était un des tout premiers pirates en France. Voilà, il m'avait expliqué un petit peu son cursus et voilà, il avait eu un petit peu à faire avec la maréchaussée et tout de l'époque. Mais bon, c'était un autre temps. Donc, je t'embrasse, Jean-Marc, si tu me le permets, 88. Et donc, voilà, c'est arrivé en France et petit à petit en France, bon, au départ, les cibistes n'étaient pas reconnus, sauf à partir de 1981 où la CIBI est devenue homologuée par Monsieur François Mitterrand avec des lettres de prédilection puisque FM, hein, François Mitterrand, pour la petite histoire. Voilà. Donc ça te rappelle rien ça du tout, Stéphane, non? Absolument non, rien. Non. Voilà. Donc à l'époque, on n'avait pas tous les Facebook, les Snapchat et les WhatsApp. On discutait, on faisait des belles choses. Alors il y avait le côté social, le côté amusement. Donc on faisait ce qu'on appelle des QSO. On se parlait entre nous, on racontait notre vie un petit peu comme sur les réseaux sociaux en ce moment. Il y avait aussi des altercations parce que voilà, il y en avait qui plaisaient à d'autres. De temps en temps, il y en avait qui mettaient un petit peu de musique pour gêner la fréquence. Donc on changeait de canal. Enfin, il y avait tout un tas de. Ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ah bon, ça ne m'étonne sur pas. Sur toutes les bandes de fréquence. Hein. Voilà, et on retrouve un petit peu ce qu'on voit sur les SMS, enfin sur les messengers, on retrouve un petit peu la même messagerie, alors que là, il y a du texte, et là-bas, avant, il y avait de la voix, et il y avait de la gouaille. Et des fois, il y avait des rendez-vous un petit peu houleux, dans certains rendez-vous que j'ai eu avec une personne que tu connais bien. Alors, j'ai plus son numéro d'indicatif, c'est 14 PAT, Monsieur Tony, que je salue, qui doit être derrière. La première fois où on s'est rencontrés, ça a été chaud quand même. Puis après, on est devenus, plusieurs années plus tard, on est devenus copains. Enfin, copains, on s'est dit, ouais, voilà, on a mis table rase sur nos différends, et parce que moi, à l'époque, je gérais une autre fréquence, dont je parlerai tout à l'heure, et voilà quoi. Donc si tu peux me reparler un petit peu de... y avait des clubs, donc toi, tu avais, à cette époque-là, tu as monté un magasin de matériel CIBI. Oui. Oui. Non, je t'ai laissé finir ta phrase. Voilà, hein. Non, ouais, je meuble en même temps. Donc tu as monté ce magasin, parce que c'est vrai, c'était en plein essor, donc tout le monde recherchait du matériel. Et comme toi, tu avais des acquaintances en électronique et en début un petit peu informatique, tu as ouvert ton magasin là-bas Ouais, j'avais monté une petite station de réparation en même temps, hein, en parallèle, avec un partenaire sur Paris. Et c'est vrai que c'était le grand élan de la CIBI avant que les grandes surfaces s'emparent. Oui, des pains au chocolat. S'emparent des pains au chocolat. Tu pourras expliquer ça après. Et je faisais partie d'un club, je pense, qui s'appelait les Lima Yankees à l'époque. Qui ouais, était, tout à fait. L'association ouais. Était de Rebrechien. Et donc on était une bonne bande de potes et on organisait des petits méchouis, tu vois, des malades et c'était bien sympathique quoi. Voilà quoi. Mais après ça on était plus en FM quand même nous de ce côté-là. La M c'était plus dédié aux routiers. Et vraiment nous en local on était vraiment en FM. Mais c'est vrai que c'est monté crescendo quand même, hein, parce qu'à cette époque-là, il y avait énormément. Ouais, c'était, je crois qu'on était le département où il y avait plus de cibistes qu'ailleurs. D'accord. Ton partenaire, c'était pas un magasin qui était du côté de Sarcelles ? Non, du tout. C'était vraiment un grossiste. Hein, il n'avait pas de magasin d'accord, du grand public. Hein. Voilà, les premiers postes qui sont arrivés en France sont d'une marque bien connue, du nom d'une ville aux États-Unis. La ville s'appelle Midland. Voilà. On n'a rien inventé et on a très bien connu Midland par les années après. Un petit clin d'œil à nos amis de Cibito. On a fait rigoler d'ailleurs la semaine dernière, donc sur leur nouveau TX émetteur récepteur BLU. Ah oui, ont... le 2020. Il y a 2-3 ans, on leur avait parlé. On fera jamais ça. Mais si on a une petite histoire, Nicolas et moi, bon, on vous la racontera si vous êtes sérieux tout au à l'heure. Plus tard. Au plus tard. Il y a du lourd. Donc le cibiste. Alors, le cibiste, on n'était pas tellement bien vu par certaines populations et surtout par les autorités qui nous voyaient d'un œil un petit peu. Parce que, bon, on était. Alors, il y avait beaucoup de cibistes qui étaient en OM, hommes et femmes, hein, qui étaient en fixe, donc à la maison. Il y en avait beaucoup qui avaient du mobile, donc du push-pull, mobile. Et il y en avait qui avaient les deux, donc ils avaient aussi bien la station chez eux en fixe et aussi bien la station en mobile. Et les mobiles, bah, ils faisaient un petit peu comme aux États-Unis, dans notre code, dans notre jargon, on annonçait un petit peu les fameuses les MyStar 208, les fameuses boîtes à images de l'époque. Les fameuses boîtes à images. Voilà, et attention, on avait tout un jargon, Papa 22 à tel endroit, coucou, t'es dans la boîte. Et enfin, il y avait tout là, ils nous écoutaient aussi. Ouais, mais ils écoutaient beaucoup et voilà, donc c'était un petit peu la chasse à la QSL, mais c'était la chasse aux cibistes. Puis il y avait beaucoup de cibistes à l'époque qui n'étaient pas homologués en voiture, qui avaient mis des amplificateurs linéaires dans leur véhicule et qui balançaient un petit peu des watts assez fortes. Donc quand ils voulaient perturber quelqu'un, ils venaient se mettre en voiture à côté d'une station fixe qu'ils n'aimaient pas. Et bah, ils émettaient, en fait, ils leur faisaient soit ce qu'on appelle une porteuse blanche, c'est-à-dire qu'ils appuyaient sur le micro sans parler. Donc on avait l'aiguille qui montait suivant la puissance dans la boîte à gants, donc 9+30 dB sur la droite, ou alors ils faisaient des porteuses musicales, ils scotchaient, ils appuyaient sur le micro, ils mettaient un scotch ou un élastique et ils balançaient de la musique depuis l'autoradio. Et ça, c'était... Donc après, on organisait ce qu'on appelle de la trigonométrie. On chassait aussi, nous, avec des véhicules. Bah, c'est tout un système. Et puis, on faisait aussi un petit jeu entre nous, entre cibistes. On se mettait d'accord, on partait dans l'endroit et on faisait ce qu'on appelle une chasse au renard. Est-ce que tu peux nous parler de la chasse au renard ? La chasse au renard. Ah oui, ça, on a fait pas mal à l'époque. Donc, le but, en fait, c'était qu'il y a un opérateur qui... Moi, personnellement, je l'ai fait. Donc, j'avais un petit émetteur qui transmettait un petit bip. Une fois de temps en temps, qu'on cachait dans un périmètre dans le Loiret. Et le but, c'est qu'à l'instant T, fallait qu'un opérateur puisse revenir à ce point-là, quoi. Voilà. Donc, il fallait... Chacun fabriquer ses petites antennes directives, enfin, des petites antennes bien spécifiques. Ce qu'on appelle des goyots, ouais. Pour pouvoir essayer de retrouver le signal au plus juste et avancer et retrouver ce signal, quoi. Donc c'était sympa, on faisait ça la nuit en général. Oui, en général, oui. Alors à cette époque-là, l'essence était beaucoup moins chère. On n'hésitait pas des fois de rouler toute la nuit. Alors pour moi, quand j'en ai fait sur la région d'Orléans, on partait de Saran, on se rejoignait. Alors il y avait tout un tas de clubs à l'époque. Il y a des clubs qui se sont créés, donc des clubs de cibistes. On se rejoignait, on avait des rendez-vous de cibistes aux champignons, enfin un petit peu partout. Des fois, on se rejoignait à certains endroits. On donnait à une personne ou deux la possibilité de partir avec leur voiture, de se cacher, d'émettre, de faire le renard. Et nous, notre jeu, c'était de partir, de les trouver le plus tôt possible. Donc c'était des concours entre stations du même club ou entre clubs et tout ça. Et j'ai fait des chasses aux renards jusqu'à 5-6 heures du matin. Donc il y en a qui trichaient, qui étaient en fixe et puis qui, avec les antennes directives, essayaient de peaufiner le signal. Voilà, donc après c'est toute une chasse. Après on a enlevé l'antenne, on décortiquait. Enfin, c'est de la triangulation, voilà. comme fait nos amis de la NFR pour trouver certains. Le fait de la CB, ce moyen de communication donc convivial qui était le premier réseau social, il a été encore plus social quand, en plein essor, dans les années 90-91, peut-être un petit peu avant, 89, on va dire 90, il y a eu beaucoup d'associations qui sont montées au niveau de la CB. Donc il y avait des associations qui avaient plusieurs rôles, en fait. Elles avaient plusieurs rôles dans le sens où elles faisaient... dommage que Jean-Guy soit pas présent, mais il en a fait énormément. Elle faisait du radioguidage, donc sur une certaine fréquence. Donc on avait 40 canaux. Donc sur les 40 canaux, il y avait des canaux qui étaient spécifiques pour l'appel, pour des appels généraux. Donc le canal 19 était en général la fréquence d'appel des gens qui étaient sur la route, donc des routiers en principal. Et quand ils avaient copier le copain qui était devant ou derrière, ou le routier, le restaurant où il voulait aller, en général... Je dis bien, en général, il faisait un dégagement de fréquence, ce qu'on appelle un QSY. Il se mettait sur une autre fréquence pour pas gêner le canal d'appel. Mais bon, ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, c'était un petit peu différent. Sur la région, enfin, sur les villes, il y avait, le canal 27, qui était utilisé pour les fréquences pour les stations en fixe. Donc le canal 27, et puis pour les gens qui étaient en CB normal, c'était le canal 19, et on s'appelait entre routiers ou entre push-pull mobile. Et puis voilà, on faisait un QSY. C'est sûr qu'on n'avait pas le GPS à l'époque. Voilà, il n'y avait pas de GPS. Donc il est vrai que le côté radioguidage, ça a eu un attrait très très intéressant, dans le sens où il y avait des opérateurs qui étaient extrêmement doués. Moi j'en ai connu un, Boxer. Il arrivait à faire en même temps, il faisait 6-7 radioguidages. Il connaissait toutes les usines, les heures d'ouverture. Alors les routiers, pour pas perdre de temps, l'appelaient. Ils les prenaient sur le 19, ou même après, par la suite, ils se sont créés ce qu'on appelle, enfin, sur Orléans, comme sur d'autres fréquences, ils se sont créés le canal 22, qui était devenu un petit peu le canal des radioguidages. Je me rappelle, il y avait une YL au pont des Béliers. Pareil, qui faisait que ça. Et ça me fait rire, parce qu'il y avait une YL à l'époque qui s'appelait Christine, enfin, je sais pas pourquoi, elle a toujours ce prénom, et son petit QRZ, c'est Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel 45, je sais pas si tu te rappelles. Oui, bah, je pense que c'était elle qui c'était faisait elle, ouais. Au fond des billets, je voilà. Crois. Et donc, voilà, il faisait du radioguidage. Elle avait d'ailleurs monté son équipe de radioguidage qui m'ont rejoint après dans ma structure De l'ESU. Voilà. Et donc, ces associations, elles faisaient quelque chose qui était particulier, c'est que elles faisaient ce qu'on appelle de l'assistance radio. Parce qu'à cette époque-là, les organisations, donc les structures événementielles qui organisaient, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc ils se servaient des CBI, des CBistes, qui étaient... Les courses de vélo. Voilà, pour sécuriser, ouais. Encadrer des courses de vélo, tout un tas de choses partout en France. Donc dès qu'il y avait des choses à sécuriser, à surveiller, ben on faisait appel aux CBistes, des fois surveiller des parkings la nuit, surveiller tout un tas de choses. Et puis ben, les CBistes, je vais pas te griller, Jean-Guy t'en parlera un petit peu la prochaine fois, mais ils organisaient aussi des super trucs comme des rallyes, et ça c'était sympa aussi. Mais le côté CB servait donc le côté convivial de tous les jours, et puis le côté aussi utile, l'utilisation dans le côté assistance routière, assistance sportive, ça pouvait être de l'assistance routière. Alors, il pouvait y avoir des appels concernant un problème routier ou un truc comme ça. Un routier qui voyait, je sais pas moi, une route VTT ou un truc comme ça sur l'autoroute, pouvait l'annoncer sur le canal 19. Et enfin, il y avait tout un tas de choses. Et après, il y a eu d'autres choses qui ont été mises en place un petit peu plus tard. Après, il y avait des opérateurs un petit peu aussi seuls. Moi, je vais lui passer le bonjour. Je pense qu'il écoute. C'est Jadic. XTC. Je sais pas si ça te parle. XTC. C'est Jadic qui habite Deville-aux-Bois. Pareil, il était régulièrement à l'écoute le soir, la nuit, la caisse à outils dans la voiture pour dépanner les routiers. Et j'ai participé à quelques interventions avec lui. En fait. C'était bien sympa, quoi. Ouais, ça manque, tu vois. Ça, c'est le goût Max Meunier. Max Meunier. Ouais, justement. Bon, en parlant de Max Meunier, je pense que je vais lui faire un petit clin d'œil. Ah, c'est un petit peu pour ça que je t'ai lancé la balle. Oui. Je vois ça. Mais je vais juste le caler. Ouais, je me suis un petit peu décalé par rapport à tout à l'heure et j'ai pas tout en face. Donc si tu veux nous parler un petit peu de ce côté assistance. Moi j'étais très jeune à cette époque-là. Je devais avoir. Je sais pas si j'avais. Moi j'avais pas 18 ans. Je pense que j'ai dit qu'il était à l'âge de conduire quand même. Et donc les routiers la nuit, à part la radio et la CB à l'époque. C'était notre seul moyen de discuter avec des gens comme nous en fixe. Et quand ils étaient embêtés, une roue crevée, ou ils avaient besoin d'assistance, hein. Même maladie, hein, ça peut arriver, hein. C'est déjà arrivé, je crois. Hein. Ouais, c'est déjà arrivé. Même ailleurs, sur d'autres applications. Sur d'autres applications. Des applications, parce qu'à cette époque-là, c'était pas une application. Mais on était là. On était là pour ça et on a quand même. Voilà, il y avait des gens qui veillaient, puis il y avait aussi. Je rappellerai pas ça des canals roses, mais ça existait aussi. Hein. Il y avait les YL à Durite, hein, comme on les appelait. Qui racolaient. Il y avait tout un tas de choses. Tout ce qui pouvait se passer en fréquence, se passer sur ces fréquences-là. Donc ça a servi à beaucoup de choses. Il y a eu des dérives, il y a eu tout un tas de choses. Il faut regarder. Il y a eu des mauvais côtés, mais il y a eu de très bons côtés. Ça a été une époque qui a été très très riche. Je pense qu'à l'époque c'était que des bons côtés. On n'est plus dans la vie d'aujourd'hui où ça part un petit peu dans tous les sens. Il y avait quelques frictions de temps en temps, ça n'allait pas très très loin. Quoi. Voilà. C'était une petite claque dans le dos, un petit émetteur récepteur dans la baignoire, et on en parlait. il y a des antennes qui ont été attrapées au grappin et qui ont été descendues plus vite qu'elles n'avaient été montées. Mais bon, ou alors il y a eu quelques aiguilles de plantées dans le coax. Mais bon, ça arrive aussi, ça fait mal, ça. Le perchlorure de. Donc voilà, et donc ces stations-là, ces clubs faisaient des assistances, ils se faisaient rémunérer, pas excessivement cher à l'époque, et voilà, ils permettaient aux, par exemple, à une randonnée pédestre de sécuriser les traversées de route. Ils permettaient aussi dans la logistique de réapprovisionner un ravitaillement qui avait été dépourvu de victuailles. Ils pouvaient aussi servir lors d'une randonnée pédestre ou autre, une personne qui se perdait un petit peu sur un chemin, une personne qui se faisait mal, et comme les associations n'avaient plus les secours sur place parce que ça devenait de plus en plus cher et le gouvernement s'y opposait un petit peu, parce que c'est du service public, ils faisaient appel aux cibistes, et de temps en temps les cibistes, après il y a eu d'autres choses aussi qui se sont mis en place, et notamment aux États-Unis il y a eu assez loin dans le temps, il y a eu la naissance du 911 canal, la fréquence d'appel téléphonique. Bon, ils ont simplement choisi le 9, c'était une histoire de cadran et de rapidité sur le cadran et c'était parce qu'avant tout le monde s'appelait, il fallait passer par des téléphones fixes, ça passait pas tellement bien, même les téléphones fixes là-bas aux États-Unis, même en France. Donc ils ont remis ça avec la commission des chefs sapeurs-pompiers, et donc ils ont créé le 911 qui est devenu et qui est toujours l'Emergency Radio. Et de là, alors ça n'a pas trop grand chose à voir avec le canal 9 et la bande de fréquence 11 mètres, mais il y a un petit lien quand même qui est fait avec ça. Et voilà, donc c'est devenu un canal d'appel, et après c'est devenu aux États-Unis avec les routiers notamment, REAC a été le premier canal 9 aux États-Unis, qui est arrivé quelques années après sur en France, mais ça ça fera partie d'une prochaine pas une prochaine émission, mais une prochaine session. En attendant, je vais retrouver monsieur Max Meynier. Pour les petits, et il y a ton regard étonné quand les gens te demandent où est-il, comme on dit dans la rue, et il y a ta réponse, toujours la même, sur la route, comme on dit sur la mer. Il y a le téléphone, les lettres d'un bled ou d'une frontière, et il y a ton sourire quand les enfants te demandent où il est, papa. C'est comment ? Et ta réponse, toujours la même. Où il est, papa ? C'est la route. Il y a les copains, le relais, les serveuses dont tu n'es pas jalouse. Il y a le café du matin, le bahut qui m'attend au parking. Et il y a tes angoisses de certains soirs, l'oreille collée au transistor, en attendant mon nom et ton prénom. Et puis il y a le vent, le brouillard, le verglas, et tes façons de faire semblant de rien quand tu es sans nouvelles. Il y a les soirs d'hiver, minuit dans la couchette que tu m'as arrangée, et il y a notre chambre et ton sommeil solitaire. On se retrouve parfois pour un grand, grand week-end. Et puis demain, après-demain, il y aura la route. La route. Ah, ces invités qui sont pas à l'écoute, ils sont en train de jacasser, ils font du QSO en fréquence, on allume le micro, et ça, c'est pas grave. Eh ben, je vais en profiter pour envoyer les bons chiffres. Alors, j'ai un petit message à te passer de la part de monsieur Pharaon85, qui m'a dit, le 600 de Nicolas est coupé, il est QRT. Oui, il est coupé. Voilà, il a coupé. Donc, on va parler en français. Le 600, c'est le 600 Zoom, c'était le téléphone, pas le fixe, pas le portable. Mais le fixe qui passait sous 600 ohms, ça, et QRT, ça veut dire qu'il est coupé, il n'est pas en émission. Voilà, si tu voulais tout savoir, Stéphane. Voilà, mais il va t'appeler, donc non, rallume pas, sinon ça va faire encore des interférences, tu vas me faire des QRM, là, parasite. Hein. Et donc, j'en profite pour faire un petit coucou, là, j'ai reçu un ou deux messages, dont un dénommé Alain. Alain, qui c'est son QRZ, c'était Bichon 45. Voilà, et voilà un petit coucou. Salut Bichon. Salut Bichon. Voilà, et ça a été aussi un autre opérateur de l'ESU, parce qu'il faut dire que bah, quand on a fait connaissance tous les deux, Nico, moi j'avais une association, une toute jeune association, c'était en 93, qui s'appelait Équipe Secours Urgence, et au tout début, bah, on faisait un petit peu d'assistance avec un club d'Orléans qui s'appelait le Citizen Bande Radio Orléans Club, le CRO. S'il y a des gens du CRO en fréquence, on a tous les cheveux blancs maintenant. Et puis, bah, je leur fais un petit coucou. Puis s'ils écoutent le podcast, et bah, ça sera avec grand plaisir. Puis tous ces amis avec qui on a fait des chasses aux renards. Il y a eu Bébé Foc qui est parti, Bernard. Enfin, il y a eu plein de gens. Et c'était de tout âge, hein, c'était vraiment de tout âge. Donc la CB a bien éclaté dans les années 90, donc elle remplaçait, enfin elle remplaçait pas, elle faisait office de moyen de communication pour toutes ces clubs d'assistance. Et donc ces clubs d'assistance faisaient beaucoup de choses, ils organisaient aussi des événements pour eux. Donc ils s'amusaient un petit peu faire des, et puis ça servait aussi je me remémorise un passage dans le livre que Jean-Guy a coécrit. Jean-Guy était un de nos premiers, enfin il n'était pas un de mes, c'était mon premier invité de mes émissions, donc c'était la 01 et on parlait du handicap. Tu m'as pas invité. Pardon. Je te connaissais pas. Ouais, c'est pour chipoter là. Ouais. Et donc il était à cette époque-là, ben, malheureusement, il est toujours, il est fortement handicapé, et donc il s'est servi de ses premiers postes CB, surtout au début en téléphone portable, donc style talkie-walkie. Après, avec un petit poste 40 canaux, il se mettait tout ça parce qu'il gérait en plus avec ses frères et tout ça. Il partait en voiture parce qu'à l'époque, bon, il conduit toujours, mais difficilement, il faut qu'ils soient quand même bien outillés, et ils avaient la peur d'essence, la peur de panne d'essence. Ouais. Donc il avait pris ses premières CB pour ça, et voilà, il est tombé dedans, pas dans la pompe à essence, hein, non, il est tombé dans la CB. Par contre, Ludivine, je sais qu'elle est tombée dedans toute petite, hein, son papa avait une station service. Elle est tombée dans l'essence, ses parents étaient garagistes et son père a énormément œuvré sur la CB du côté du 13 par là. Salut biche 13. Et donc elle a été trempée dedans et elle se cachait sous les couvertures pour moduler, parce que son père voulait pas qu'elle module avec les routiers. Enfin bref, c'est une, elle raconte tout ça un petit peu dans le livre qui s'appelle, il s'appelle comment ce livre? Tu le sais pas. Eh ben moi je vais te dire le titre, il s'appelle Citizen Band, la CB, ce réseau oublié. Ce n'est pas celui que tu as sous les yeux. Celui que sous les yeux, c'est le tout premier qui a été au fait un livre que j'ai écrit au tout départ. Est-ce que tu peux me donner le titre? Je me rappelle plus. Non, mais vas-y, tu peux le dire en fréquence. De la subie à l'unanimité. À l'humanitaire. À l'humanitaire. Ouais. 13 51 88. Ouais, cordialité, salutations. Dans 73, ce sont des bons chiffres. Qu'on avait le code Q. Avec QRZ, QRT, c'est pour parler plus facilement en fréquence, c'est pour abréger un petit peu. Et puis on a des chiffres aussi, 73, cordialité, salutation, 51, 88, c'est les bisous, ça fait la forme d'une bouche, 212, c'est le il y a 318, 813, gastro-liquide, gastro-solide. Voilà, et tout ça, on se codifie un petit peu les discussions, les QSO. QSO, c'est le dialogue, c'est l'interchange. Donc voilà, au niveau de la CB, bon, on a parlé donc un petit peu. Alors c'est vrai que oui, ce que j'oublie de dire, je crois que c'est en 1992 ou 94, j'ai plus la date en tête, que les permis à points sont arrivés. Les premiers permis à points. Alors, 93... Voilà. Et donc, à cette époque-là, bah, il fallait. Pas plus tard que ça? Peut-être un petit peu plus tard, je vérifierai, mais, j'ai plus toutes les dates en tête. Et donc, le fait, c'est que les gens avaient peur de perdre leur permis. Et là, les grandes surfaces ont pris le dessus. Ils ont fait sortir par tout un tas de sociétés. On va pas les nommer, mais bon, toutes les sociétés qui fabriquaient des postes civils, toutes marques, ils ont fait sortir ce qu'on appelait des pains au chocolat, des petits 40 canaux avec une toute petite antenne qu'on mettait sur la. Alors là, ça a été l'éclosion, la folie sur les fréquences, parce que tous les gens qui n'étaient pas civistes, qui avaient peur de perdre leur point, ont du jour au lendemain acheter ces postes qui n'étaient pas du tout chers. Alors, il y avait une histoire de licence, tout ça, qui coûtait 190 francs, qui valait 5 ans, puis ça s'est perdu, puis ça s'est pas tellement fait. Enfin, il y a eu tout un tas de briques et brocs là-dedans. Donc, c'est assez long à expliquer comme ça en deux heures de fréquence de radio. Mais donc, beaucoup de gens ont acheté ces postes, et ce que faisaient les grandes surfaces et qui nous a un petit peu perturbés, écoutez, entre parenthèses, cher à la Citizen Band, l'amour de la radio, c'est que tout et n'importe qui achetait ces postes-là, ils savaient pas trop s'en servir, et il y avait du Papa 22, il y avait de l'autorité partout, et tout le monde s'appelait, et ça court-circuitait beaucoup les fréquences, et notamment que tous ces gens-là qui n'étaient pas au courant des codes et tout ça, bah, ils s'en fichaient, ils en avaient rien à faire, ils écoutaient soit ça ou soit l'autoradio, puis ils parlaient, ils restaient sur des fréquences, et ça faisait beaucoup de perturbations, donc de temps en temps, il a fallu les calmer un petit peu parce que. Tu sais, ça a été le début de la fin de certains magasins. Voilà. Comme le Bien, par exemple, à cette époque-là. Hein, voilà. Donc, les gens ne voulaient plus acheter des gros postes AM, FM et BLU, dont on va parler dans quelques instants. Donc, ils s'achetaient ces petits pains au chocolat parce que c'était tout petit. Hein, c'était grand comme. Enfin, à peu près moins épais, mais à peu près de la surface d'une boîte à sucre. Et en fait, on appelait ça des pains au chocolat parce qu'on les retrouvait à l'entrée des galeries, un petit peu partout, dans tous les magasins. Et c'était directement sous blister, quoi. Il y avait. C'était package. Voilà, c'est du package et ça valait à l'époque 3 francs 6 sous. Et tac, on mettait ça. Il n'y avait pas de réglage à faire. Il n'y avait pas de réglage de toast ni rien parce que bon, c'est des réglages qu'il faut connaître un petit peu quand on veut faire de la bonne CB, de la bonne fréquence. Et voilà, et les pains au chocolat, ben en veux-tu. Donc, il y avait souvent, on leur mettait souvent la chanson de Joe Dassin, les petits pains au chocolat. On aurait pu la mettre ce soir, mais voilà, il y en avait d'autres à mettre. Donc voilà, le côté fréquence, c'était ça. Donc un gros côté convivial, beaucoup de monde dans le monde entier, parce qu'on parlait aussi de temps en temps, il y avait des routiers. Alors les routiers allemands, quand ils passaient en France, ils étaient sur un canal qui méritait un petit peu le poil. Leur canal d'appel en Allemagne, c'était le canal 9. Et le canal 9, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais le canal 9, c'était le canal que nous avions à l'époque réservé, utilisé pour les appels d'urgence, secours. Ça sera la troisième partie de cette émission. Donc voilà, il y avait beaucoup d'assistance, il y avait beaucoup de choses utiles. Donc de la sécurité, de la convivialité, donc les côtés vraiment premier réseau social, on peut le dire. Il y avait de la CB partout, et quand il y avait vraiment des pics, je me rappellerai toujours, des pics de grosse propagation, de ionisation, enfin de d'éclatement du soleil, on avait sur les fréquences, bon, on avait des, parce que nous on était réglementé à 4 watts, je crois, 2 watts, 4 watts, quelque chose comme ça. Et dans d'autres pays, comme en Italie ou en Espagne, ils n'avaient pas de réglementation. Ils étaient, ils balançaient des 100, 200 watts, 300 watts. Et là, ils arrivaient à nous passer par-dessus. En France, moi, je me rappelle avoir fait des contacts à l'époque de bonne propagation en AM avec l'Espagne ou autre, et même d'avoir géré un appel de secours sur le canal 9, un appel de secours de Draguignan. Je ne comprenais rien à ce qui se passait parce que je ne reconnais pas les lieux. Enfin, ça fait partie de l'histoire. Voilà. Et donc, à travers ça, il y avait un système dont on a un spécialiste en face, Nico, 14 PAT, qui est en face de moi. Alors, est-ce que tu peux, on va passer dans le côté, on va QRT un petit peu le côté AM, et puis on va passer dans le côté Belle Lulu. Alors déjà, je voudrais revenir un tout petit peu sur l'assistance, mais longue distance. qu'on a pu connaître avec Radio 110. Je pense que beaucoup de gens, ça va rappeler un petit peu. Donc Radio 110, c'était un émetteur avec des opérateurs qui prenaient des appels de gens qui avaient des familles en mer. Et c'était la seule liaison pour pouvoir informer le marin. Effectivement, ouais. Voilà, parce qu'avant, bien entendu, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphonie mobile, il n'y avait rien de tout cela. Donc Radio 110 était là pour ça. Et c'était, moi, j'écoutais beaucoup cette fréquence-là. Et mais dans l'autre sens aussi, autant qu'amateur radio et à faire de la longue distance et à faire moi qui faisais beaucoup d'écoute à l'époque, je suis tombé une fois sur un maritime mobile, donc un marin sur son propre bateau, qui avait besoin d'informer sa famille. Donc j'avais réussi à faire le contact et avoir ses coordonnées téléphonique et informer la famille en live de que tout allait bien, que tout se passait bien et tout le monde était content et franchement c'était vraiment sympa quoi. Là ça paraît pas mais non mais il y a eu des choses alors toi tu parles c'est vrai que Radio 110 m'était sorti de la tête mais tout à fait il y avait cette d'ailleurs que l'émetteur a été coupé il y a pas tant que ça et donc ça permettait de garder en contact en communication parce qu'il y avait pas les fréquences enfin il y avait pas les satellites il y avait pas tout ça exactement. Et des fois les marins avaient besoin de renseignements ou simplement de pouvoir avoir leur famille parce qu'ils partaient et ils partent toujours pendant des bon maintenant ils ont tous les moyens donc ça va ils sont pas coupés du monde. Mais ils avaient les moyens de, enfin ça leur donnait les moyens. Moi je me rappelle même au niveau du 27 mégas d'avoir eu des routiers qui ont eu des problèmes ou des par rapport à des médicaments et autres. Et ça a fait un petit peu comme dans le film Si tous les gars du monde, tu sais le film avec la BLU et qui a sauvé un équipage français suite à un empoisonnement sur un bateau. Et il y a eu une chaîne humaine qui s'est construite autour du monde. Et voilà, si un jour vous avez l'occasion, regardez ce film Si tous les gars du monde. C'est un film qui est bon. C'était surtout sur les RA, mais la Cibi avait le même. La Cibi 27 mégas avait le même système, hein, les mêmes attributs en fait. Hein. Moins officiel, mais officiel quand même. Enfin, je veux dire humaine quand même et très très utile à différents niveux. Donc moi et je me rappelle aujourd'hui, hein, faut pas se leurrer. Hein. Et encore aujourd'hui. Et j'en profite puisque oui Jean-Guy, je vais en parler d'ailleurs tout de suite. Ça permettrait aussi de nos jours avec tout ce qui se passe au niveau des inondations. On parle de problèmes de communication, de problèmes de relais, parce que c'est vrai que là, avec les inondations qu'il y a eu et qu'il y a malheureusement encore, et qu'on aura malheureusement de plus en plus, ça serait bien que le gouvernement, je passe un message national, là, si le gouvernement écoute cette émission, quelqu'un, penchez-vous un petit peu sur le sujet, on peut vous rencarder et vous donner quelques renseignements, sans être juste au côté humain, hein, sans vouloir prendre la grosse tête. Mais la Cibi, il faudrait peut-être réglementer, revoir. Mais si vous êtes inondé et que vous avez un petit poste émetteur 27 mégas, AM, FM, vous êtes plus isolé parce que il n'y a pas besoin d'électricité. Il y a juste besoin d'un accu de voiture. Des voitures, il y en a autant qu'il en faut. Même si on peut pas les recharger, ben on va chercher dans une autre voiture. On la remettra plus tard. Il suffit simplement de brancher un plus, un moins, d'avoir une plaque de four, comme je disais, de coller une antenne dessus et vous êtes tout de suite, vous sortez de l'isolement. Et les secours peuvent être aussi en fréquence. Ils peuvent être à l'écoute. Il y a le côté PMR aussi qui peut être utile. Et voilà, c'est un autre combat, mais voilà, si on pouvait Moi, je vais te donner une info, Didier, que j'ai appris il y a très peu de temps en formation secouriste, SST. Et c'était très rigolo, enfin, oui, c'était rigolo. C'est que pendant cette formation, on a eu un appel, tu sais, de la préfecture il y a quelques oui, mois. Oui, bien sûr, un déclenchement. Suite à un déclenchement, alerte, de problème pour avoir les pompiers ou le SMUR. Et en fait, on a discuté de ça, même s'il y avait une alerte plus importante que ça, de toute façon, le réseau GSM est out. Saturé. Ah oui, il est saturé, bien sûr. Voilà. On n'aurait plus du tout l'utilité de ce réseau-là. Donc la Cibi, encore une fois, amateur radio, sauver des vies. Radio amateur, on est là pour ça. Voilà. Elle peut sauver des vies, alors sans exactement. Vouloir s'attirer d'être radio amateur. Le problème, la petite guéguerre qu'il y a eu entre, qui est encore un petit peu entre les RA et nous, les amateurs radio, c'est que tout le monde veut tirer les couvertures à soi. Quoi. Je pense qu'il faut dépasser ce clivage. Public, mais bon, Mais voilà, il y a l'utilité et on a tenté il y a plusieurs fois. Moi, je cache pas avoir fait un courrier il y a un an et demi, deux ans. Je l'ai fait transmettre par un de nos sénateurs, d'ailleurs, que je remercie, qui est toujours présent, sénateur Sueur, qui l'a remonté au ministère de l'Intérieur, justement pour parler de ces problèmes-là. Bon, il n'y a pas eu de retour. Il y a eu des élections entre-temps. Bon, voilà, mais... Là, ça serait bien d'y penser un petit peu et légiférer. Voilà, mais ça peut être utile pour une mamie qui est toute seule, coincée dans sa maison, si elle peut parler avec son petit-fils ou sa famille, il n'y a pas d'électricité, ça passe. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien, il n'y a plus de télé, il n'y a plus de frigo, il n'y a plus... Voilà, ça coupe l'isolement, c'est tout, c'est tout simplement. Même si le réseau GSM n'était pas saturé, s'il n'y a plus d'électricité, il ne faut pas assurer les batteries d'un émetteur GSM. Bien sûr. Ça ne dure pas 40 ans. Voilà, donc il faut recharger, donc les recharges, une CB, avec des petits postes, parce que les gros postes ça tire un petit peu, mais on va pas faire de la BLU avec le monde entier, mais des fois en BLU on peut passer... Rien qu'en local, hein, y a pas besoin... Voilà, et donc voilà, c'était le petit... Donc je n'ai pas oublié Jean-Guy, bien sûr que j'allais le dire, mais t'as bien fait de me le rappeler quand même. Donc voilà, et là on est passé dans un autre moyen de communication, toujours au niveau de la CB, on en parlait au départ, alors on parlait, tu t'es identifié tout à l'heure comme 14 PAT 512. Tu peux m'en dire plus alors, et nous en dire plus 14 PAT 512, donc en trois morceaux, donc 14, en fait c'est le préfixe qui a été donné pour la France, le 14. Le 31 par exemple c'est le Portugal. D'accord. Voilà. Donc le groupe PAT, il faut savoir que le groupe PAT, c'est un groupe portugais qui a été créé en 2001. Et à aujourd'hui, en France, on est 1300 membres. C'était pas Georges le président ? Il y avait José. José, autant pour moi. José. Il y avait José. Ça, c'est des infos qui sont toutes fraîches d'hier matin, tu vois. Donc 1300 membres PAT en France. Sachant que des associations, des groupes, il y en a énormément. On est loin certainement du million, mais je ne sais pas si Jean-Guy a des infos là-dessus. Mais concernant la partie DX internationale, il y a énormément de monde. Alors le DX, tu peux. Alors le DX, c'est de la longue distance. On ne va pas rentrer dans les termes. C'est-à-dire de permettre de faire des transmissions, on va dire, au-delà de 100 km, 200 km, un millier, 10 000, 20 000, voilà. Comme j'ai un copain qui a pu faire ce matin l'Australie, tu vois. Donc ça, c'est quand même relativement sympa. Donc, bien entendu, c'est pas tous les jours, hein. C'est en fonction des conditions atmosphériques, du soleil, de la lune, de la ionisation, du taux d'humidité, voilà, c'est assez des différentes choses. Il faut être ingénieur de météo pour ça. Il faut pas être ingénieur météo, mais il faut avoir des passions météorologiques, connaître un petit peu la stratosphère, la ionisation et tout ça. Mais quand on est passionné, je pense que on peut aller. Bien sûr. Donc pour ça, il faut. Je pense qu'il faut passer. Oui. Non, vas-y. Il faut passer par des antennes, je présume. Alors, faut passer par des antennes un petit peu plus grandes qu'une antenne de push-pull de voiture, mais ça n'empêche pas que tu peux faire des longues distances avec en BLU en bord de la Tyrol unique avec très peu de puissance et une antenne de voiture. Hein. Aujourd'hui, vu qu'on est dans le 11e cycle solaire. Et là, ça passe très très fort, quoi. Voilà. Donc les cycles solaires, c'est-à-dire que tous les 11 ans, en fait, on a le soleil qui se réveille et qui. D'où les erreurs, j'allais dire, dans les aurores boréales et tout ça. Voilà. C'est vrai que cette année, on a eu la chance exceptionnellement en France et tout département des aurores boréales exceptionnelles. Moi, j'ai des photos et les dernières qu'il y a eu, malheureusement, il n'a pas fait beau, mais on les voyait à l'œil nu, hein, il y a un mois de cela. Ah, ouais. Donc c'est des masses coronales qui explosent. Donc il y a de la ionisation, il y a du magma, etc., quand ça vient taper notre couche solaire et la Terre. Et donc ça active les ions, quoi, les électrons. Et donc tu peux, grâce à ça, oui, parce que c'est tout un système. Hein, voilà, il faut passer par les différentes couches. Ça tape dans les couches. Exactement. Et ça, voilà. Là, c'est pas, comme ça qu'on fait. C'est pas du direct. Hein, il y a des ricochets, quoi. Voilà. Voilà. Alors, vas-y. Non, vas-y. Vas-y, pose des questions, j'essaye de te répondre. Voilà, non, j'avais juste un petit morceau à passer, un morceau qui s'appelle Antenna. Coca-Cola. Hola, hola. Hola, hola. Comment ça, amigo? C'était la fameuse phrase qu'on entendait sur les fréquences Bellu. Hola, hola, Coca-Cola. On n'a jamais réussi à savoir d'où vraiment il émettait. C'est un espagnol. Mais voilà. Mais on a un russe aussi depuis des années qui nous fait rigoler aussi sur la bande, sur les fréquences d'appel internationales. D'accord. À ce moment-là, voilà, tu nous parlais donc de du côté météorologique, voilà, l'utilisation, tout ça, ok. Tout est lié pour que les fréquences hertziennes. Après, la question qui peut se poser, comme j'ai expliqué à Stéphane tout à l'heure, tout le monde ne connaît pas français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, etc., etc. Donc c'est pour ça que on a un code Q international qui peut nous permettre de communiquer avec... Code Q, c'est pas péjoratif. Hein. Non. D'ailleurs, pourquoi ils ont appelé ça comme ça? Alors, parce que toutes les lettres, c'était au niveau du morse, en fait. Le Q en morse, c'était facile. C'est pas faux. Et Et en fait, la première lettre, toutes les premières lettres étaient avec le mot Q. Ouais, c'est bah une des explications. J'ai appelé Samuel Morse, c'est celui qui me l'explique. En fait. C'est plutôt CQ, CQDX, donc c'était un C. Mais bon. Hein? Non, mais le QRZ, ça, c'était oui. Pour la transmission générale. Ouais, le fait de sauver des âmes, le SOS, c'est ouais. Pareil. Hein. Mais le fait, il y avait le côté de transmission, mais il y avait le côté parler, si tu veux, dans l'abréviation. Mais ça, je pense que les 1RA bien connus pourraient nous le confirmer. Ouais, je suis pas très fort à la matière. Je l'ai expliqué, mais je l'ai plus, je l'ai plus en tête. Je pense que Jean-Guy saura tout ça. Moi, je ne connais pas tout en fait. Voilà. Donc il y a le fameux code Q qui nous permet de nous comprendre entre opérateurs de différents pays. Hein, donc yes, ok, QSO, enfin bref, QSY, attention frequency. Voilà. T'as la question, mais comment tu peux savoir que le gars que t'as eu de contacter à 10 000 km, il n'était pas à côté de chez toi que... Et donc à l'époque, il y avait ces QSL. C'est QSL. Voilà, donc, des cartes de confirmation de liaison radio. C'était une carte de confirmation, donc je parle... Avant, hein, dans les années 80-90, où là, la confirmation, elle était papier, on recevait une super carte postale. Avec un diplôme, des fois, il fallait payer un petit peu. Ouais, ça, c'était surtout Alpha Tango, qui est encore aujourd'hui, d'ailleurs, italien. Il faut toujours donner. Voilà, donc il faut dire que chaque pays était immatriculé par un préfixe de 1 à 300 et quelques. Alors, 14, c'est la France, voilà. Le 31, c'est le Portugal. On savait de quel pays ils émettaient, et ce sont les Italiens, je crois, ce sont les Alpha Tango qui ont lancé les premiers Alpha Tango qui ont lancé ce code de préfixe, puisque le 1 c'est l'Italie. Voilà. Après il y avait l'accent, mais c'était super sympa de recevoir dans 30, ta boîte aux lettres. 30 Alpha Tango qui sont laissés ta fréquence. Voilà, donc. Non, mais dans ta boîte aux lettres, c'est génial de recevoir une carte postale qui vient de pays du monde. J'en ai une fois, multitude. T'envoies la photo, la famille, un autocollant, même de l'argent, ça arrive. Ouais, parce qu'à l'époque, vous pouvez envoyer un petit peu d'argent ou des drapeaux, enfin, plein de choses. Il y avait plein de choses, on se faisait des paquettes, en fait, de 40 ans. On avait des super surprises. Tandis qu'aujourd'hui, on est dans le numérique. Donc aujourd'hui, la QSL, elle est numérique. Elle est numérique, donc c'est un petit peu dommage. D'accord. Ouais. Mais bon. Ça a perdu un petit peu son charme. Mais il y avait des chasseurs de QSL. J'en ai connu quelques-uns qui ont des super collègues. J'en ai fait. Moi, j'en ai chassé quelques-unes aussi. Et des fois, on s'appelait par le téléphone à 2-3 heures du matin. Un téléphone sonnait. Ouais, je suis à l'écoute. Il y a tel pays qui passe. Vas-y, essaye de le choper et tout. Qu'est-ce qui se racontent ces gens-là? La question pourrait être se poser. Qu'est-ce qui se raconte? Alors c'est vrai que. Dans le DX, en général, quand tu fais un concours, l'indicatif, donc 14 PAT 512, par exemple, le report, le signal. Voilà, le report, c'est-à-dire qu'on donne à la station qui nous écoute et que nous on entend combien il nous reçoit au niveau du signal, donc au niveau de l'aiguille, et au niveau de la radio. De la modulation. Là, j'ai une radio de 5. Là, admettons, on va dire à peu près, si je m'écarte, je perds ma radio et là, j'ai une radio. C'est 2,5 là. Voilà. Donc, suivant la propagation, suivant les ondes, des fois, on entendait à décrocher avec des... Quand on teste, c'est ça. C'est-à-dire qu'on prend un indicatif, on prend un signal, on lui donne un numéro et on passe à autre chose. Voilà. OK. Et c'est celui-là qui a fait le plus de DX. Voilà, c'était le concours entre clubs. C'est le contest qui se passe en ce moment au niveau des radioamateurs, parce que je crois qu'il y a des concours en ce moment. Donc c'est que ça, en fait. Voilà. Voilà. Donc, tandis qu'après, t'as le DX, où là, t'as le plus le temps, c'est de discuter quand tu as le temps en fonction des conditions. De la propagation et puis des horaires, parce que des fois. L'avantage, c'est que tu discutes un petit peu déjà, t'habites où, t'es dans quel village, quel temps il fait. Alors, il y a des fréquences d'appel. Il y a des fréquences d'appel. Il y a des canaux d'appel qui est le. Alors, c'est sur des fréquences qui sont plus ou moins tolérées, hein, on va dire. On va pas parler de législation. Ouais, d'accord. Donc il y a le canal 4 et il y a le canal 12. Alors nous on est plus d'accord. On a oublié c'est ben non, mais à l'époque 555. D'accord. Et parce que le 27 n'était pas que 27 hein, c'était 27 points quelque chose à chaque 27, fréquence. Voilà. Et en fait, les gens dans la journée de tous les jours s'appellent avec la propagation, s'entendent, font un échange de coordonnées de radio contact, donc les comment on appelle ça, ce qu'on appelle le report de radio, voilà. Et s'envoyer aussi des coordonnées. Alors ils évitaient de donner des coordonnées fixes de chez eux. Ils avaient tous des boîtes postales à l'époque. Alors aujourd'hui, on a une application qu'on appelle Locator. Locator, voilà, d'accord. Donc on met l'application, ça nous géocalise et ça nous donne un numéro. D'accord. Un identifiant Locator. Donc si tu donnes cet identifiant-là, si le gars le rentre, lui, dans l'application, il sait exactement où tu es. D'accord. Voilà. Ouais. Bon. À l'époque, on n'avait pas tout ça. Donc, et pour confirmer, donc, on avait fait l'Australie, alors l'Italie, la Belgique, tout ça. Enfin, pas la Belgique, l'Espagne, le Portugal. On les avait assez fréquemment. Il y avait des pays qui étaient l'Iran. Tout ça, c'était des pays qui étaient soit des pays en guerre, soit des pays en conflit, ou soit des pays très durs à avoir. Donc, suivant la propagation et suivant les heures, parce que les heures, quand on avait les États-Unis, c'était pas tout à fait à la même heure qu'en France. Donc, tout ça, il fallait. C'est vrai qu'il y a décalage horaire. Voilà, décalage horaire, donc la propagation de nuit, la propagation de jour. Et de là, soit on faisait le contact individuel pour simplement chasseur, avoir son trésor, et, ou alors il y avait ce que tu appelles donc les contextes DX entre gens du même club, donc ils font un concours à se raccrocher. Ça peut durer 24 heures, 48 heures. Voilà. Et sinon, il y avait les expéditions DX aussi, en tant que club normal, où là, il n'y avait pas de concours interne à celui qui ferait le plus de contacts. C'était le club, au club qui ferait le plus de contacts dans le temps imparti, c'est-à-dire 12 heures, 24 voilà, heures. Voilà, ils faisaient une QSL bien spécifique. Voilà, de un diplôme, ce qu'on appelait un diplôme. Voilà, donc certains demandaient, bien entendu, encore une fois. Si tu veux, tu payes. Si tu veux l'avoir, bah, faut que tu payes. Ouais. Bon, alors, c'est sûr qu'après, tu fais 200 QSL au prix du tab aujourd'hui. Ça, oui, il y avait ça aussi. Donc, tout ça, ça. Alors, après, moi, j'arrivais à le comprendre, l'histoire de 1 dollar et tout ça, des pays qui étaient sous-développés, ou sous-développés dans le sens technique, qui demandaient un petit peu une participation pour envoyer. Bon, ça, je voulais bien le comprendre. Mais après, on a su très bien que des fois, c'était des pirates qui n'étaient pas vraiment dans ces pays, qui avaient ce qu'on appelle des QSL managers, qui étaient dans un autre pays et qui envoyaient. Enfin, c'était tout un business. Donc, en fait, il n'y a pas un problème de fréquence. Il ne faut pas régler quelque chose. On n'entend pas bizarrement quand on fait de la BLU. On n'entend pas bizarrement. Alors, c'est vrai que c'est une fréquence qui est plus ou moins stable. Voilà. D'accord. Mais non, en général, si tu es bien calé, si ton calage est bien sur la fréquence, il n'y a pas besoin de clarifier quoi que ce soit. Voilà. Donc, il y avait des fréquences. Ça, c'était un petit peu... Alors, des fois, il y avait des voix un petit peu déformées, des voix de canard, des fois... Alors, soit parce que notre poste n'était pas bien calé, soit il y avait un décalage parce qu'il n'était pas, calibré. Et des fois, c'était le poste de l'opérateur en face qui n'était pas sur la bonne fréquence, exactement. Il y a le phénomène de propagation. Voilà, aussi donc ça monte, ça fluctue. Et puis, tout le monde n'a pas la même oreille. Voilà, tout à fait. C'est là que j'ai perdu un petit peu les miennes, sûrement. Voilà, et c'est vrai que ça t'en as qui entendent bien les aigus, d'autres plus voilà, graves. Voilà, tout à fait. Voilà. Si c'est mon cas, les aigus, je les entends presque plus. Donc, t'imagines... aujourd'hui, on a des émetteurs quand même qui sont... Voilà. Qui sont aptes à modifier énormément de choses pour pouvoir avoir une réception correcte en fonction de l'oreille qu'on a. Quoi. Voilà. Donc la BLU, elle servait aussi bien à faire du contact comme ça de QRA ou du local. Je veux dire de QRA à QRA, par exemple, ça pouvait être des fois on entendait bien le nord de la France parce qu'on avait ce qu'on appelle un skip. Le skip, c'était les ondes radio qui passaient. Un skip, c'est à peu près 900 km. Donc tout ce qui était en dessous d'un 100 km, on les prenait pas. On prenait ce qui était après. Donc exactement. C'est pour ça qu'on enlevait, on entendait des stations. On n'entendait pas le copain d'à côté et on n'entendait pas. On entendait le gars qui était à 900 bornes. Donc enfin, il y avait tout un tas de choses comme ça et c'est le plaisir. Donc en fait de. Bah c'est après. Là, c'est les antennes verticales. Après, t'as les antennes directionnelles. Horizontales. Voilà celle que tu m'as montée sur le toit de mon immeuble. Tout à fait. Directionnelle où là, tu vas diriger ton antenne. Enfin, normalement, tu diriges ton antenne sur la station que tu veux émettre. Mais encore une fois, le phénomène de propagation, des fois, nous amène à régler notre antenne ailleurs pour pouvoir bien entendre l'opérateur. Ou taper par l'arrière de l'antenne. Tu peux taper par l'arrière, ça peut être sur le côté. Donc c'est assez rigolo. Les antennes fixes verticales. Ce sont des fouets, en fait, ça ressemble un petit peu à des fouets. C'est une dentelle qui émet à 360 degrés. Voilà, qui sont taillés, ce qu'on appelle taillé dans la longueur d'onde de la fréquence. Dans la technique, oui, là, ouais. Et voilà, après il y a le coax, enfin tout ça. Non, mais c'est pour expliquer un petit peu le fait. Si tu veux, elles sont omnidirectionnelles, en fait. Elles arrosent devant et derrière. Une dentelle verticale, elle émet à 360 degrés, elle a un lobe comme ça. Donc le lobe, c'est l'onde qui va se disperser. Voilà. Comme les micros, comme tout. Voilà. Tandis que la directive, elle va être directionnelle, donc elle va émettre principalement dans une direction. Donc pour ça, tu as une carte, tu as quelque chose. Alors j'ai un moteur. T'as un moteur, oui, d'accord. Avec un pupitre. D'accord. Étalonné comme un compas. Hein, d'accord. Et en haut, t'as un câble et t'as un rotor. T'as quelque chose. Il y a un moteur qui est contrôlé par. Donc là, pas d'électricité. Pas d'électricité, pas de directive, pas de directionnel. Ouais, mais nous. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui bien sûr. Pour pouvoir autonome. Autonome. Exactement, pour être autonome. Ouais, après t'as des quand il y a trop de vent parce que ces antennes elles sont en général perchées sur des on a des opérateurs qui ont des antennes qui sont pas très hautes, mais il y a des opérateurs qui ont des antennes qui sont Des mâts. On va dire à 12 mètres parce que c'est la législation, hein, on n'a pas le droit de dépasser 12 mètres. Donc on va rester sur cette hauteur-là. Mais avec les vents qu'on a régulièrement, et quand on a des grandes antennes, donc ça prend au vent pas mal. Donc des fois, il faut baisser les aériens, voire basculer les pylônes. Donc là, c'est de l'autoportant et ça se couche. Ouais, tout à fait. Donc ouais, avec un système de manivelle, il faut avoir un grand jardin. Dans des endroits. Ça, tu peux pas le faire sur le toit d'un immeuble, par exemple. Non. Voilà. Après, les antennes, que ça soit directionnelles ou les antennes fixes, ça a toujours été un combat pour avoir les autorisations de les monter à l'époque sur les toits. Tu as bien connu ça puisque tu étais aussi antenniste. Le combat est encore plus compliqué aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, même s'il fallait monter une antenne sur un immeuble, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. D'accord. Ouais. Donc voilà un petit peu le côté de la CB utile, conviviale, agréable dans tous les azimuts. Hein. Voilà, d'ailleurs l'azimut, c'est ce qu'on cherchait à voir dans la directive. Donc il y a plein de clubs qui existent encore, qui sont actifs. Avant de parler de la fréquence de secours et de clôturer cette émission, c'est vrai que ça passe vite. Je voudrais juste faire un aparté sur une petite. Alors je sais pas. De la publicité, je vais simplement en parler. Il y a eu quelque temps une société qui a ouvert une application. Enfin, il y a eu plusieurs sociétés qui ont ouvert des applications. Il me fait aïe aïe aïe, tu vas voir. Cette application, elle s'appelle. Alors, c'est la société Midland. Ils ont fait une application qui s'appelle CB Talk. Vous pouvez la mettre sur votre téléphone et là, vous passez pas comme les ondes CB, vous passez par le faisceau. Aide-moi, Nicolas. GSM. Et bon, voilà, on retrouve un petit peu le côté CB, mais il n'y a plus. C'est pas de la radio. C'est pas de la radio. Il y a tout un combat après ça. Et voilà, il faut savoir que Nicolas et moi, nous avons été administrateurs pendant un certain nombre d'années de cette application. Le téléphone, il va se remettre à sonner. Et j'en profite pour saluer tous les gens qui ont cette application. Je sais qu'il y en a qui sont derrière à l'écoute, donc je voulais leur faire un petit coucou et qui est bien utile, pris un petit peu différemment. Voilà. Je peux passer un dernier message si tu peux, vas-y. Passer le bonjour à QSO du matin, donc tu ne parles pas beaucoup. Donc c'est un groupe d'opérateurs le matin, on trafique sur 27 455 exactement en USB. Donc je vais pas tous les citer, hein, mais amitié à tout le monde. Allez, Jadik, je pense qu'il m'écoute. Les amitiés à mes collègues, certains qui doivent m'écouter. Et un grand bonjour à Patrick Taxi 025. Voilà, je pense qu'il s'est reconnu et on va dire 73 aux écouteurs. Eh bien, 73, donc, à tous les grandes oreilles, ou SWL, hein, c'est le terme. tu t'ennuies pas trop Stéphane. Oh non, c'était intéressant. Tiens, j'ai une question. Vas-y. Est-ce qu'il y avait beaucoup de piratage à l'époque en CB? Piratage. Tu sais, pirater comme à l'époque. Là, maintenant, tu pirates tes comptes. Mais à l'époque, tu pouvais pas pirater une CB d'une autre personne. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, alors aussi, on va en parler, on va faire une petite parenthèse, mais sans rentrer dans, on va rester dans la réception. On va pas parler d'émission. À l'époque, tout était analogique. Donc, qui dit analogique, si tu avais le bon récepteur qu'il fallait, tu pouvais tout écouter. Je dis bien tout écouter, c'est-à-dire les pompiers, la gendarmerie, les gens qui avaient des téléphones filaires à l'époque, qui étaient sur des fréquences... Certaines cabines publiques. Voilà, on pouvait tout écouter. Donc, il n'y avait pas besoin de piratage. C'est un droit à l'écoute. Voilà. Après, il y avait une licence d'écoute. Hein. J'ai un numéro qui existe toujours et qui est toujours actif, d'ailleurs. Voilà. Après, en émission, voilà. Après, on repart sur un autre débat. Mais voilà. C'est vrai que les postes CBI, on avait homologué 22 canaux FM et 40 canaux AM, mais certains postes qui venaient de l'étranger ont toujours des décalages, mais des fréquences en plus dans des canaux, des sous-canaux, des sous-fréquences. Ouais, des scanners, des récepteurs. Ou avec des scanners, mais avec ces postes-là, donc celui qui est à côté de moi, là, que j'ai amené, là, l'ancêtre, j'avais 5 bandes de fréquences, et là-dessus, il y avait des fréquences qu'on pouvait écouter, c'était des bandes téléphoniques qui étaient dans le 26 et quelques. Et là, dès qu'il y avait la cousine qui appelait son amant dans la cabine d'en bas, bah, quand tu le savais, t'entendais sa conversation. Donc on piratait aussi. Au carreau, là, qu'en train d'écouter les voisins, nous, on écoutait ça. Ça faisait partie. Le temps est passé, C'était un autre temps, c'était une autre époque. Eh bien, juste avant de parler de la dernière session, donc, du Canal 9, je vais vous amener, quelque part. 73, Jean-Guy. À bientôt. Avec des confidences, il y en a eu sur la fréquence, n'est-ce pas, Madame Dalida? Voilà, et j'ai un petit papier là qui vient de m'arriver. J'ai pas eu le diplôme, mais Nico m'a envoyé un message en me disant. Je l'ai pas envoyé codé. Hein. Ouais, il m'a envoyé codé en plus. C'était le code, c'était India Sierra Sierra, qui veut dire. ISS. Eh ben vas-y, parle-moi. Station spatiale internationale. Voilà, dont on a une française d'ailleurs qui vient de, ouais. d'embarquer, enfin de. Être, hein. Donc tu peux nous en parler deux minutes. Oui, alors parce que ça fait partie aussi de la communication, parce que l'Agence spatiale internationale de temps en temps organise des concours de transmission d'images. Donc ça s'appelle de la SSTV. D'accord. Voilà. Et donc on a la particularité avec un émetteur, un logiciel sur un ordinateur. Que tu as fait d'ailleurs avec Pesquet, toi. Autant de Pesquet. Que j'ai fait avec Pesquet et d'autres avant. Ouais. Et donc, on décode des images et on renvoie ces images-là. C'est plus à la NASA, je ne sais plus trop où. Jean-Guy, c'est notre joker, tu sais, pour ouais. vous dire tout ce que j'ai oublié. Jean-Guy, tu n'oublieras pas de mettre ton antenne la prochaine fois. Hein. Voilà, et donc, on envoie ces images-là sur une page HTML. Il les consulte et s'ils sont validés, on reçoit notre diplôme. Avec notre indicatif que je mets F11 DLF par exemple, qui est mon indicatif d'écoute, et donc on reçoit nos diplômes avec nom, prénom, notre indicatif. Et avec la qualité de l'image en fait. En fait c'est un diplôme comme une super QSL, hein. tu peux imprimer en A3, c'est super joli, hein. Ça peut être la station spatiale, c'est des thèmes en fait, c'est des D'accord. anniversaires, etc. Et donc il y a des diplômes, donc il y a un diplôme russe, il y a un diplôme américain, il y a un diplôme européen, et donc c'est assez sympa. Après il y a la partie radio-amateur, les radio-amateurs ont la possibilité aussi de converser avec la station spatiale, donc ça bien entendu il faut des autorisations. Et il y a des écoles aussi. Avec des heures de passage bien précises. Voilà, parce qu'il faut, on a 7-8 minutes hein, voilà. de passage hein, à 26 000 km/h. Et on peut l'observer de temps en temps, hein, les SS. Ouais, hein, alors on n'a pas beaucoup de chance en ce moment, mais si on a quelques applications pour savoir où elle passe. On peut la suivre. On pourrait la suivre, parce qu'elle n'est pas très très haute, elle n'est qu'à 400 km hein, de hauteur, c'est pas très haut. Hein. Voilà. Je me suis levé la nuit, j'ai observé. donc voilà, donc si tu veux, c'est donc les écoles de temps en temps posent des questions et moi j'écoutais Pesquet la dernière fois, c'est vraiment sympa. Quoi. Ah bien sûr. Voilà, ça c'était le côté USS, le côté. N'importe qui peut écouter et regarder la station spatiale hein, sur des applications ISS Live par exemple. Tu vois la station spatiale, les levées du soleil, les couchers du soleil. Quand il y a des sorties, pareil, ça, c'est vraiment très, très intéressant. Tu peux voir ce qui se passe. Bon, bien entendu, il y a des conversations des fois qui sont coupées parce que ça ne nous regarde pas. Mais il y a énormément de live et c'est vraiment sympa. Quoi. Voilà, après, il faut des posts un petit peu spécifiques. On en parlera. Je crois que tu reviens la semaine prochaine, il me semble. Ouais, je vais essayer de revenir. J'espère qu'on pourra avoir la liaison avec Jean-Guy. Avec Jean-Guy, ça fera un grand plaisir de l'entendre. Moi aussi, puis bon, ça m'a un petit peu perturbé de ne pas pouvoir l'avoir, mais bon, ça fait malheureusement partie des aléas du live. Et donc en fait, voilà, donc on a fait un petit peu le tour de ce qu'on pouvait dire en grosso modo sur la Citizen Band, la CB. Je voulais simplement apporter un point de détail pour terminer. Alors on va un petit peu pousser plus loin dans le sens horaire, puisqu'on a pris un petit peu la fréquence en retard sur Radio Arc-en-Ciel. Donc on est toujours dans Didier & Co, Arc-en-Ciel 96.2 ou en streaming sur le web. Donc il est 16h, il me reste encore une heure d'émission, donc j'enlèverai un petit peu de musique sur la fin. Simplement parler de quelque chose qui me tient à cœur. On a parlé de beaucoup de fréquences, donc on a parlé le canal 27, la fréquence 27 mégas, le canal 27, le canal 19, le canal 22 de radio guidage. Et il y a un canal que j'ai tout à fait à cœur. On a un petit peu parlé aux États-Unis avec Réac, du Canal 9, mais en France, on a eu aussi, on a malheureusement cette fréquence n'est plus utilisée et c'est dommage. Il y a plus de CB, la CB a arrêté quand les premiers téléphones portables sont arrivés. On a on a commencé à ne plus avoir d'assistance, les organisations ne nous payaient plus, ils passaient par leur GSM, les premiers GSM, et ainsi de suite. Après, il y a eu le GPS, puis le radioguidage, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, je sais même que la météo, d'après ce que j'ai eu comme information de Jean-Guy, la météo devrait ou a récupéré des fréquences 27 mégas pour transmettre sur la météo. Enfin, voilà, c'est des... Bon, il m'en dira un petit peu plus long. Les perturbations qu'on a... Le canal, en fait, c'est le canal 9, hein. Le canal 9 qui est une fréquence qui était, alors, en Allemagne, c'était leur canal d'appel des routiers. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les routiers nous agaçaient quand ils passaient en France, et que ils nous perturbaient. Moi, j'avais une phrase que je connaissais par cœur et que je leur disais sur la fréquence pour leur demander de dégager. Alors, des fois, ils rigolaient un petit peu de mon accent allemand. Mais il y en a, bon, ils comprenaient, et des fois, au bout de 5 minutes, ils me parlaient en français, quoi, parce que c'était soit des Alsaciens, ou soit vraiment des Allemands. Et donc, ils étaient entre eux en convoi, ils parlaient sur cette fréquence. Mais le canal 9, en France, c'est une fréquence, donc c'était le 27-065, qui a été longuement utilisé. Alors, ça a été mis au point, au départ, par une personne qui s'appelle, prénom, c'est Alain. Son indicatif, c'était Curard 80, je sais plus s'il est de ce monde. C'était, à l'époque, un anesthésiste d'Amiens. Et je l'ai eu au téléphone à l'époque, il m'avait beaucoup renseigné. Et il travaillait donc en tant qu'anesthésiste, et il travaillait au SAMU à Amiens. Et il avait monté une veille Canal 9. Donc il écoutait et ça se savait un petit peu. Et dès qu'il y avait un problème, il faisait basculer sur cette fréquence. Et voilà, ils intervenaient au niveau du SAMU. Alors c'était pas trop régulier, c'était pas trop répandu. Après, il y a eu un gros club qui s'est monté du côté de Paris, dont je n'ai plus le nom. Et il y a une grosse association qui existe toujours, mais sous une autre forme, qui est l'ANCO 72, donc Le Mans. Le Mans, qui ont ouvert Canal 9 Le Mans. Et moi, j'ai eu le plaisir, l'honneur, sur Orléans, de structurer une association qui s'appelle donc Équipe Secours Urgence. Après, c'est devenu aussi Ambulanciers Sans Frontières. Et cette association, on a ouvert la fréquence sur le 9. Alors, c'était pas une partie de plaisir, parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup, alors je dis pas de concurrence, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jalousie par les autres Cibis, parce qu'on leur prenait cette fréquence-là. On faisait la chasse, à une époque, je suis monté jusqu'à 80 opérateurs et opératrices, dont tu faisais partie, Nicolas. Tu faisais des stand-by sur ta région, enfin sur le côté nord du département. Donc je couvrais, pour ainsi dire, tout le département. Donc en plus, avec la BLU, tout ça, on arrivait à joindre. Et donc on était les yeux et les oreilles de la route. Et j'ai eu un petit peu de difficulté dans les tout débuts, dans la première année. Mais on n'était pas tellement bien vu par les secours, parce que notre rôle, il était d'intercepter les messages sur le canal 19, de les faire basculer sur le canal 9, ou pour ceux qui avaient l'habitude, on se mettait en stand-by directement sur le canal 9, et là, on prenait tous les appels. Mais on se retrouvait, bien sûr, avec de temps en temps, des faux appels, enfin, des déclenchements. Et au départ, les secours, ils nous voyaient pas d'un bon œil, parce que quand on les appelait au téléphone, on leur donnait nos indicatifs, notre numéro de téléphone, enfin, il y a eu vraiment un gros travail, et moi, j'ai eu la chance de, avec le SDIS et le SAMU de l'époque, de les rencontrer, parce que j'avais un métier qui était dans les secours, c'était ambulancier, donc ça m'a bien permis d'avancer aussi. Et ça nous a permis de mettre au point ce qu'on appelait un IMA. Un IMA, c'était une intersection de messages d'alerte, en fait. C'était un petit document qu'on avait avec ce qu'il fallait qu'on pose comme question. Alors, le SAMU avait besoin de savoir si il y avait des blessés ou pas de blessés, quand on les appelait, et savoir éventuellement la conscience ou l'inconscience du blessé. Quand on appelait le 18, parce que suivant l'accident, on appelait, s'il y avait qu'une gêne de route, on appelait le 17. Donc ça pouvait être sur l'autoroute, on appelait L17, donc gendarmerie pour les régions hors agglomération. On avait aussi la DDE, donc à l'époque, quand il y avait, du gasoil ou autre pour faire des délestages. Et donc à cette époque-là, moi en tant que président, j'avais rentré des opérateurs et des opératrices qui montaient des stand-by. Et bon, on n'était pas bien vus par les Cibis, parce que sur le canal 9, on ne voulait pas qu'à côté de chez nous, il y en ait un qui module sur le 8 et un qui module sur le 10 parce qu'il nous perturbait. Donc déjà, trois fréquences. Bon, on arrivait quand même à s'en entendre. N'est-ce pas, monsieur Pat PAT? C'est comment son numéro de PAT, Anthony? Ah, tu l'as plus dit. Oui. 10, 2 x 5. Ah voilà, 2 x 5. Péat est 10. Donc, Tony, tu l'as vu tout à l'heure. Oui, oui. Gentil, Tony. Oui, bon, la première altercation qu'on a eue, c'est justement par rapport au Canal 9, parce qu'il était avec son collègue Richard Pastis 51, et il se mettait sur le 8 ou sur le 10, et il nous moustachait. Donc, c'est-à-dire qu'il venait baver sur notre fréquence. Et un jour, je suis monté avec une grosse colère, et je savais où il habitait, je me suis déplacé, j'étais chez lui. Et là, il y a eu une explication de texte. Il s'y attendait pas, et il en rigolait derrière, si moi aussi j'en rigole. Maintenant, et on s'est retrouvés après, on s'est revus. Bon, c'est pas parti loin, mais bon, ouais. Voilà, il avait vu que j'avais pas que la bouche, en fait, hein. Je pouvais aussi me déplacer. Bah ouais, j'avais quand même pas mal de renseignements sur beaucoup de stations à l'époque. Et donc, notre but, il était de prendre tous les appels, et donc on savait, et ça c'est très utile, parce que c'est ce que je voudrais appuyer, c'est ce que les gens, même à l'heure actuelle, sur un téléphone, ne savent pas faire. Je trouve qu'on devrait être, même avec un GSM, on devrait être plus formé à l'appel de secours, et de tout de suite savoir s'identifier. Problème d'éducation, problème de formation, tout simplement. C'est comme apprendre à nager, c'est comme apprendre certaines choses. Le sens de circulation de l'accident, c'est très important. La gêne à la circulation, si les personnes sont incarcérés ou pas, combien il y a de voitures, parce que là ça va déclencher des secours plus importants, et puis si on a quelques notions, qu'on peut aller voir éventuellement si les personnes sont conscientes ou pas dans le véhicule, si ça bouge, même s'ils sont en retour de voie, tout ça on peut le savoir. Après, bon, il y a des gestes de secours et tout ça à savoir, et on peut déjà protéger avant que les premiers secours arrivent. Donc ça c'est très important, et nous à l'époque c'est ce qu'on faisait. On faisait nos opérateurs, moi j'avais des opérateurs et des opératrices qui étaient prêts en voiture, on avait notre petite plaque de Lézu, on avait un gyrophare orange, et des fois on était en mobile et on se déplaçait et on balisait. Donc le 17, quand ils arrivaient, vous êtes qui, vous faites qui, ça, on disait, et à force, j'ai pris rendez-vous, à l'époque c'était alors le patron du SDIS, je sais plus comment il s'appelle, mais il y avait à la police nationale, c'était le commandant Dissan, j'avais eu rendez-vous avec eux, à la gendarmerie c'était le colonel Maignan, je crois, quelque chose comme ça, et je les avais rencontrés, et on a mis cette... donc après on était reconnus, officiels, quoi, enfin officiels, entre parenthèses, et voilà, on pouvait déclencher les secours, et faire partir les bons secours, les prompts secours, avec ce qu'il fallait, ou du moins avec le plus de détails possible. Et ce Canal 9, après, il nous a servi aussi... Quand j'ai commencé à partir un petit peu, parce que comme on avait une bonne petite réputation sur la région, au bout de 2-3 ans, c'était la radio, j'étais d'ailleurs passé ici dans les fréquences arc-en-ciel à l'époque, j'étais passé un petit peu dans toutes les radios, France 3, j'avais eu même un petit coucou sur TF1 à l'époque, voilà, ça commençait à bouger pas mal, et l'utilisation de ce canal, ça a apporté beaucoup de choses, mais il fallait qu'on soit très rigoureux dans ce qu'on faisait, on pouvait pas, on représentait la Sibie, mais la Sibie du bon côté. Et donc voilà, après alors beaucoup de gens voulaient rentrer chez nous parce que ça les avantageait pour avoir une antenne. Après, les gars ils montaient des permanences, ils y étaient pas. Moi je me rappelle un jour m'être fait tester par un opérateur de nuit, il appelait parce que son poisson rouge était barré du bocal, et qu'est-ce qu'il pouvait faire à son poisson rouge. Et heureusement que j'ai pas mal pris, parce que cette nuit-là j'aurais pris des porteuses, j'aurais pris des QRM tout le temps, et je l'ai pris au mot et je lui ai dit, bah écoute, ton boisson rouge, tu prends une paille, tu fais un bouche à bouche. J'avais sorti tout un tas de trucs, et bon, c'était assez assez marrant. Et je sais qu'il y a aussi une personne que je salue, Jean-Michel, qui m'a donné aussi le côté CB utile. Alors lui, c'était pas le Canal 9, c'était le Canal 19. Il était parti en goguette faire du stop. Enfin, il faisait du stop. Il avait été pris par un routier, super sympa. Donc avec Max Meynier, les routiers sont sympas. Hein. C'était le titre de son émission, qui a été repris par Sébastien Ponchelet sur la 107.7 Vinci Autoroute, qui a repris le même système. Donc les routiers sont toujours aussi sympas. Sébastien, c'est derrière, bah, je te salue, je te collègue, je te fais un petit coucou. Et d'ailleurs, c'est lui qui a préfacé, qui nous a préfacé le livre à trois. Citizen Band, la CB, ce réseau oublié. Et donc, pour en revenir à Jean-Michel, il était parti en stop. Et comme le routier pouvait pas le transporter sur beaucoup de kilomètres, il avait appelé ses autres collègues par la route, et les gars savaient où le. Et il a réussi à faire son stop. X et X et X kilomètres grâce à la solidarité des routiers. Des histoires comme ça, on en a des centaines et des centaines. Et donc sur le canal 9, il y a eu aussi des bonnes choses, de très bonnes choses de faites. Et notamment puisque tu y as participé à l'époque, comme on avait une bonne petite renommée, quand il y a eu les premiers problèmes qui étaient bien télévisés en 1999, il y a eu le problème du Kosovo. Et nous, notre équipe, on a monté des collectes en relation avec la Croix-Rouge internationale, avec qui j'ai eu des rendez-vous, que j'ai rencontré la direction de Paris à cette époque-là. J'avais aussi rencontré des directeurs de Coffee Route, qui étaient venus à ma station pour voir un petit peu. À cette époque-là, ils voulaient équiper leur système de caisse à l'époque des payages, tout ça, avec des postes CB, justement pour tout ça. Ça te parle, hein, ouais. Monsieur s'appelait, alors j'ai plus son nom, prénom, c'est son nom de famille, c'était Moll. Je me rappelle toujours quand il est venu chez moi, qu'il a vu la station, il a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Je lui dis, c'est une station. on a pu aider à sauver des vies, contribuer à améliorer le service, et moi je suis très reconnaissant par rapport aux gens du SAMU qui m'ont reçu, et je leur ai fait découvrir. Après je savais qu'il y avait certains véhicules, notamment de la gendarmerie, qui étaient équipés de postes civils, qui étaient à l'écoute, et notamment donc on avait quelques indicatifs, on savait que c'était eux qui étaient derrière, ils s'identifiaient en mobile, donc ils donnaient leur indicatif, pas de gendarmerie, mais on savait que c'était eux. Et une fois, je me rappelle, c'est un de mes opérateurs qui m'appelle à moi par téléphone, en disant, il faut que tu viennes en fréquence, qu'on a un gros problème. Et toi, d'où tu es perché, tu peux nous aider. En fait, il y avait une voiture qui était en contresens. La gendarmerie était derrière, tout gyrophare ouvert, et il fallait qu'on fasse stopper les camions qui étaient devant ce véhicule pour faire un blocus, pour pas que le véhicule passe. Et en fait, par le biais du canal 19 et du canal 9, j'ai encore les poils sur les bras qui se grissent, et par le biais de ça, on a réussi à faire un blocus et stopper la voiture qui était en contresens. C'était un papy et une mamie. Et la gendarmerie est arrivée et on a réussi à les bloquer. Tout s'est bien passé. Pardon? Tout s'est bien passé, ouais, ça aurait pu tellement se terminer pour ces papiers, ces mamies, mais pour les gens en face aussi, en voiture, tout ça. Donc, des histoires comme ça, on en a eu plein, et je salue Fanou derrière, s'il est à l'écoute, Stéphane, c'est lui qui m'avait décroché. Et voilà, donc la CB, ça a son utilité. Après, donc on est parti en humanitaire. Enfin, on a commencé à faire des opérations humanitaires. Au départ, ça a été comme on avait les fréquences CB, on faisait des appels sur les fréquences CB. Donc on faisait des appels à collecte denrées alimentaires et denrées, enfin, et vestimentaires. On était sur des lieux bien connus de la région d'Orléans. Et les CBistes venaient nous apporter leurs affaires et apporter avec les familles et tout ça. Et on a collecté lourd là. Ouais, c'était à gérer, c'était très dur. Puis petit à petit, j'ai été appelé pour avec un ancien de chez nous qui était parti dans le sud à Bagnols-sur-Cézé, Codolé. On a monté les opérations humanitaires pour les inondations en 2003. Donc on a porté les premières choses, d'ailleurs avec une personne qui a un bateau sur la Loire qui s'appelle Régis Barrault, qui a un bateau de plaisance pour les personnes handicapées. Il est toujours resté dans le milieu, et c'était lui qui nous avait prêté, enfin qui était venu avec un de ses collègues, nous avait prêté son camion pour transporter gratuitement là-bas du côté de Codolé les premiers besoins de. Puis après, bon, on a travaillé donc pour le Kosovo, on a fait pas mal de missions, on a collecté des fonds aussi pour le tsunami, pour acheter avec un médecin d'Orléans des piqûres, enfin pour faire des piqûres hépatite B, enfin des vaccins, on cherchait le nom. Et il y a eu plein de choses comme ça, mais malheureusement, comme tout, la CB d'un côté, puis le canal 9 par la suite, et dans les années 2007-2008, ça a capoté et c'est passé par téléphone. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que on a toujours besoin d'un petit CB chez soi, qu'on a toujours besoin d'un, ça sera pour moi le mot de la fin, juste avant de passer dans le côté musical. Je vous remercie, je vous envoie encore à toutes et à tous les bons chiffres, les gros 88 aux YL, les 73-51 à tous les opérateurs de France et de Navarre. Sachez qu'il y aura un podcast réalisé par notre podcasteur national, monsieur Amigo Florent, qui est derrière à l'écoute, que je salue, je t'embrasse Florent pour tout ton travail. C'est une personne handicapée, mais il fait vraiment un gros travail. Je sais que la CB, il connaît un petit peu aussi. Donc voilà, à toi, obrigado, et puis à tous, les bons 73. Pour le mot de la fin, je vous le laisse. Vas-y, C'est un univers que je connaissais pas. Ça donne envie de le faire. Faut juste que je trouve le matériel et que... J'en ai un à vendre, celui-là. Et du temps, du temps. Et du temps aussi. Et du temps. Mais en tout cas, c'était une super émission. Merci à vous deux. Bah écoute, Didier, merci de m'avoir invité. C'était super sympa. Encore une fois, Jean-Guy, désolé de pas t'avoir eu, mais on peut s'appeler dans la soirée si tu veux. Je vais essayer de prendre un peu de temps et de t'appeler, on discutera. Et puis, les amitiés à tous les auditeurs et auditrices. Voilà. Allez, c'était Trecci Quattaono et adios, adios. Ok. Eh ben voilà, bon, on va partir sur un petit morceau qui va remonter un petit peu les cœurs et c'est un petit clin d'œil. Allez, ciao. Je ne crois pas qu'on se connaisse, vous et moi. Mais je suis à peu près certain qu'on a bien dû se rencontrer quelque part, sur la route, dans un pays quelconque. Vous au volant de votre voiture, et moi dans la cabine de mon semi-remorque. Oui, je suis routier, routier international. J'aime l'aventure, et j'ai roulé ma bosse aux quatre coins du monde. J'en ai passé des frontières, et bouffé des kilomètres de poussière, de boue ou de neige. À cette époque-là, je faisais la ligne sur l'autoroute de Californie. C'est là que m'est arrivée cette étrange histoire. Je venais de loin. Je conduisais depuis trop longtemps et la fatigue commençait à se faire sentir. J'hésitais à réveiller le copain qui dormait dans la couchette. Pour me tenir compagnie, j'avais branché le radiotéléphone de bord. Le mobilophone, comme on l'appelle aux États-Unis. C'est un appareil qui nous permet, à nous autres les routiers, de garder le contact et de nous entraider en cas de coup dur. Je venais à peine d'enclencher le canal 27 de la CBR, qui est notre fréquence habituelle, lorsque j'entendis, à travers la friture des ondes courtes, une petite voix lointaine qui parlait, une petite voix d'enfant qui appelait. Allô ? Allô, les routiers ? Ici Teddy. Teddy Bear. Entendez-vous ? Ici Teddy. Répondez-moi. Je basculais l'inverseur sur émission et questionnais à mon tour. Allô ? Allô, Teddy ? Ici la route. D'où appelles-tu ? Que veux-tu ? La voix du gamin répondit, un peu plus proche. Ici Teddy, j'appelle les routiers. Je t'entends, Teddy, que veux-tu ? Je suis tout seul, je m'ennuie, et je voudrais parler un peu avec vous. Je vous appelle avec le radiotéléphone de mon papa. Cet été, nous avons eu un très grave accident. Et je suis toujours dans mon lit. Le docteur dit que je pourrai remarcher un jour et que ce sera sûrement très long. J'habite une maison tout près de l'autoroute. Je suis souvent seul le soir, car maman est serveuse dans un motel pour nous faire vivre. J'ai perdu mon papa dans l'accident qui a détruit son camion et qui m'a cloué au lit. Il m'emmenait de temps en temps pour des petites courses. Mais maintenant, il ne vient plus jamais de routier par ici. Alors j'essaie de vous accrocher avec le radiotéléphone qui nous reste pour vous parler un petit peu quand vous passez sur l'autoroute. Je ne suis pas une fillette, mais il me sembla soudain que mes yeux se brouillaient et que j'y voyais moins bien. J'arrêtai le moteur au premier embranchement venu et je sortis ma carte. Dis-moi, Teddy, où habites-tu exactement ? Le petit me situa sa maison. J'avais de l'avance sur l'horaire, je remis en marche et je sortis de l'autoroute. Bien que j'ai foncé pour arriver chez lui, je n'étais pourtant pas le premier. Bon sang ! Six énormes bahuts m'y attendaient. Six copains avaient entendu notre conversation et m'avaient devancé. D'autres arrivaient encore. Je réveillais mon coéquipier qui n'en croyait pas ses yeux. On est tous entrés. On a sorti Teddy de son petit lit et ce fut vraiment la fête. Chacun voulait le porter, l'asseoir derrière son volant, le cajoler. Le gosse rayonnait. On lui donnait un tas de bricoles qu'on avait dans nos cabines. Et puis il fallut bien penser à repartir. Je le remis dans son lit, après l'avoir embrassé une dernière fois. Je grimpai sur mon siège et je tirai le démarreur. J'ai vu plus d'un dur qui détournait la tête. On lui promit que chaque fois qu'on passerait sur l'autoroute, on klaxonnerait d'une certaine manière pour qu'il nous entende. On se quitta enfin.